En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2015-2016 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, JF Comp, le numéro 21, Dave Thibodeau, le numéro 24, Mart Vero, yo. Le numéro 88, Alex Comp, et le numéro 31, JF Mallette. Yeah! Yeah! Yeah! Woohoo! Presque full house aussi. On fait pas les playoffs! Ah! Du calme, on va avoir beaucoup de temps pour chialer ce soir. La descente aux enfers, man. Ouais. Descente aux enfers, écoute, c'est le slam du temps des fêtes. Hey, bonne année tout le monde, là. Il est commencé. Faut faire la joke, là. La maudite dinde des fêtes. Hein. La guigne du temps des fêtes. C'est la guigne. Ah, la guigne. Alors, on va aller faire l'avant-match. Alors, commençons ça avec les positions du pool. Dave, j'imagine que c'est ça, c'est ta petite tablette en ce moment. Ça fait longtemps que j'ai pas checké ça. Ouais, moi aussi, on vous rappelle que vous avez droit à un échange au mois de janvier. Alors, si, je l'ai pas fait. Si vous avez Carey Price, je vous dis ça de même. D'après, je l'échangerai là, pour le pool. Ouais, je l'ai même pas échangé. Non, ça peut être une bonne idée. Moi, je pense là que. De toute façon, moi, j'ai plein d'échanges à faire. Je pense que j'ai à moitié. Je pense que sur. On a quoi, 6 goalers? T'as droit. Je pense que j'en ai 5 de blessés. On a un sixième goaler à Montréal, en plus, on en parlera tantôt. Donc, en première place, on a Sébastien Giacometti. Ensuite, en deuxième position, on a our own Alexander Crump. Oh, shit! On a en troisième position, pendant qu'on enlève des poils dans la barbe. Non, t'as pas dans la barbe, c'est un micro. Ah, OK, mais je sais pas, peut-être vous êtes proche. Je suis en feu. Ensuite, en troisième position, on a Jason Cavallaro. On a un newcomer. Un newcomer, ouais. Nice. Après ça, on a en quatrième position Bruno David. Bruno David. En cinquième position, monsieur qui n'est pas là présentement, one of our own, Alex Galipo. Oui. Et ensuite, on est loin. Non, c'est pas vrai. En dixième position, il y a JF Kron. Oh. Ensuite, 14, Mart Vero. Après ça, 26 mallettes, puis moi, genre 38. C'est-tu avec genre 8 goalers blessés sur 6. Ah, on est plus. T'étais pas premier à m'amener. On est combien dans le pool? Je savais pas que ça descendait jusqu'à 38. 42. Je savais pas que ça descendait jusqu'à là. Je suis pas le dernier. 42, c'est bon, man. T'es pas essor de Buffalo puis les Blue Jackets. Non, mais je suis pas loin. Ah, hey, c'est correct. Qu'est-ce qui est cool, là, c'est que t'as pas le first pick à la fin. Ouais, c'est ça. Mais ce qui fait chier, c'est que l'année passée, j'ai fini dans le fond du classement, puis ça fait 2 années que je suis posé repêcher ton pot au repêchage, mais quoi. Ah, ben, c'est pas mal que ça marche, si. Non. Tu peux disposer de tes outils. Ouais. Hey, je suis à combien de points, du premier? T'es à... Oh, ben, 3 heures. Je vais te dire ça, total. 3-4, en bas de 10 piastres. T'es à 6 points. Oh, Chris. Oh, tabarnak. Quand même. À 6 points. Ça se fait. Puis t'as vite, plus ça. De parties de jouer. Préparer votre moins de games de jouer. De la soirée, ouais, ça dégringole vite. Ça. T'as eu comme 2-3 bonnes veillées, puis t'es en part. Je vais changer Price, ça te correct. Ouais, mais tu retombes à zéro. C'est ça, tu retombes à zéro, par exemple. Là, t'échanges Price. Là, lui, il l'a déjà échangé. Peut-être ça fait longtemps, une position entre toi. Puis il commence déjà à refaire des points. Ah, mais lui, je m'en calisse-tu, lui? Oh, c'est sûr. Hey, pendant qu'on est sur le cas du pool. Bon point. Bonne façon de penser. Ouais. On a finalement envoyé le prix au gagnant. Le gagnant du pool 2014-2015, Jacques Germain a reçu son t-shirt. Ben, en fait, non, je sais pas s'il l'a reçu, mais il devrait le recevoir parce qu'il a été envoyé. Le colis a été est dans la poste. C'est dans la malle. Le colis est dans la malle, puis le diable est au vache. Bon, puis avant de commencer le match. On était faire un tour au Centre Bell. On a-tu quelque chose à dire là-dessus? Ou c'est à peu près la seule game que le Canadien a gagné en décembre? As-tu quelque chose à dire là-dessus? Oui. Je m'en rappelle plus. M'en rappelle pas pantoute de ce qui s'est passé. Il y en a qui l'ont échappé cette soirée-là. C'est tout ce qu'on dit. On les nommera pas. Il y en a un qui s'est ramassé vraiment en échappé. Oh, si, bon, oui. Il a tiré à côté du net. Tabarnak. Ben, moi, Mallette, on a une photo avec Youpi. Ouais, ouais. Ouais, puis vous trois, vous avez avec Alex une photo avec les filles Molson. Ouais, ouais, ouais. Les filles. Ah, ça, non, c'est à ça, c'est pas les. C'est pas hein? Les filles, non? Youpi, têteux. C'était pas les filles Molson? Têteux, Youpi? Pourquoi? Ouais. Il était là. C'était des filles arbitres, je pense. Les filles arbitres. Ouais. Youpi, collé. Hey, Youpi, filles, une grosse cote de fromage. Je l'ai liché, voir s'il goûtait le cheese. Il goûtait le cheese. Bravo à GF aussi, qui s'achète une Canadienne 67 à 12$, puis qu'il l'échappe dans rangée, là. J'ai pas eu connaissance de ça. Il y a deux choses, il l'a échappé, puis Chris, il a acheté une Canadienne 67. What the fuck? C'est ce qu'il y avait, le gars. Mais c'est le même prix. Mais oui, mais t'apprends pas, tu lui dis, va me chercher de la vraie bière. Ouais, non, mais il l'a pas échappé. Il y a quelqu'un qui a kické sa bière. Ouais, il a kické sa bière. Alors, mais lui, t'en as-tu repayé une? Non. Ben, c'est un estime. Ben, ce conseil, si vous êtes assis, puis vous voulez, c'est pour ça du monde, mettez donc pas votre bière entre vos jambes. C'est pas une bonne idée. Il y avait des longs. Puis le sang, faites donc comme un goût de sang. Faites donc un rack à drink. Ben, ouais. Ouais. Ah, ça serait bon. Un porte-gobelet. Un rack à drink comme au porte-gobelet. Ouais, un porte-gobelet, j'avoue que ça serait pas pire. Mais là, mais si on se posait, j'ai enlevé toutes les bancs. Hein? Directement à Chris. Ouais, pas encore, ils ont pas changé. Non. Non, non, ils vont y changer bientôt. Ils n'ont pas changé les rouges. Genre l'année prochaine. Ah, peut-être qu'ils ont commencé. Il semble qu'ils ont commencé à changer les rouges. C'est possible, c'est possible. Mais ils n'ont pas de porte vert pareil. Non, mais le gars, c'était Sideshow Bob. Est-ce que c'est long pied? Quasiment, c'est ça. Sideshow Bob. Ouais, mais c'est pas large, large, là. Tu l'as dit, Bouffi. Bon, fait qu'on va commencer le podcast. Fait que. J'ai un extrait de Terrien pour commencer qui date de mardi après la game, la défaite contre les Flyers. Je propose de faire jouer l'extrait avant qu'on commence la période. Ça va nous donner un plus un bon nous 20 mettre minutes en tabarnak. Pour être en tabarnak. C'est comme si c'était un speech de motivation. Ouais, ben c'est en fait c'est son genre de scrum après avec les journalistes après la game. Scrum. Scrum ou scrotum. Scrotum après avec les journalistes de la TVA Sport, je pense. Là. Ouais. Alors écoutez ça, ça va nous mettre un peu dans le bain, je pense. Hein. Oh, j'ai pas aimé notre performance, honnêtement. Oh. Je trouvais qu'on était. Encore dans les nuages du dernier match. Après une victoire. C'était le match 41 ce soir. Est-ce que demain, c'est une bonne opportunité de partir la deuxième moitié de saison sur une page blanche? Oui, dans la deuxième moitié de saison, définitivement, il y a certains de nos joueurs. Il va falloir qu'ils en donnent beaucoup plus qu'on a démontré depuis le début de la saison. Tu penses à des joueurs clés quand tu penses à ça, Michel, de ton équipe? De ton équipe. Ben, c'est tes meilleurs joueurs, ça doit être les meilleurs. Hein. Michel, de ton équipe. Écoutez le son qu'il fait à la fin. Quel est le bilan, Michel, du train du voyage? Oh, je ne vois pas de bilan. Ben, il est temps que vous rentriez à la maison. Ça va bien. Ben, il est temps qu'on joue à la maison. 8 matchs à route, définitivement, c'est dur. C'est quoi ça? Il sape, est-ce comme... Ben, ça fait... C'est sûr que ça a été difficile... Non, mais c'est des hosties de questions. Là, ils mettent la réponse dans la bouche. Non, mais il est encore rentré à la maison, mais, Michel. C'est pas que ça, il est de même. Ah, il, en vidéo, c'est malaisant. Il regarde la taille comme. Puis il s'en va. Genre, il quitte l'écran. Genre, il c'est pire juste avec sa voix, avec ses bruits de gorge. C'est malaisant. Ah, je, pas, je me sens pas bien. Il y a plein de fonds de gorge. Ah, genre, moi, je suis sûr qu'il fait pas exprès parce qu'il est Mike. Là, puis comme. Genre, là, il se dit dans sa tête, ouais, genre, mais... je rape toutes les mics. Lui, genre, probablement qu'il doit, dans une autre vie, participer genre à des doublages de films porno français, puis il faisait les sons de Deep Throat. Ben, c'est vrai genre, que c'est un tabarnak, selon André Arthur, mais t'sais, André Arthur, c'est aussi un tabarnak. Hey, André Arthur, Chris, y a-tu comme pas de référence dans non, vie, c'est ça, là. André Arthur, c'est un hostie de fucké. Fait qu'on va commencer il la se période. Se promène encore avec des petites bougrines. T'es un petit fucker, man. Je l'ai plus, là, mais faut rendre hommage au. Chauffeur d'autobus. Au iPad 1 qui est maintenant plus des nôtres. Ouais. Je l'ai laissé à Rétro Nouveau. To the graveyard. Ah oh, ouais. J'ai laissé le soundboard. Oh, maintenant, j'ai un nouveau iPad Air 2 ici qui va servir de soundboard. Alors, mais par le fait même, j'ai changé le buzzer. Fait qu'on commence la période. Oh. Ah ouais, ça, c'est vraiment un buzzer. Ben, comme l'autre générique. Là, d'arena générique. Là. Ouais, vide, un arena vide. Bon, fait que là, vu qu'on a manqué énormément de matchs. Le centre Vidéotron, genre. Genre. Ouais, Vidéotron. Ben, ici, c'est un peu ça, là, qu'on a en haut, le gros tampon. Le cotex. Voilà, le cotex. C'est le cotex. Non, le protège dessous. Il protège dessus. Fait qu'on fera pas de recap des matchs parce qu'il y a beaucoup trop de matchs. Puis on fera pas non plus et non moins. On a fait des plus et moins collectifs. Fait que. C'est que des moins. Plus. Non, hey, non, hey, non mais plus, je suis sûr qu'on serait dans. Ouais, non plus. Paul Byron, puis Daniel Carr. Non, moi je donnerais peut-être tout à Jean-Marc T-Bag Berriot là. Ah ben oui, lui aussi tout de suite. Ah mais ça c'est très très très récent là. Il y a pas une bonne game. Il y a eu une couple de bonnes games, T-Bag. C'est pas si pire, mais je suis pas prêt à le mettre dans les plus. La pression de pour nos moins, tout le reste de l'équipe, le coaching staff, le gars de la Zamboni, Diane Bibeau puis Youpi. Alors voilà. Le gars de l'équipement et tout. Ouais, lui aussi, puis les gars qui ramassent les pucks dans le net quand il y a les pratiques là, puis n'importe qui. Hey, j'en ai un plus moi. Stephen Waite. Probablement le seul coach qui vaut à peine. Ouais. Le Balafré, lui. Balafré? T'en veux la merde. Non, mais... OK, c'est... pas vrai, peut-être un petit plus à Galchenyuk, par exemple. Ah, il y a eu une couple de bonnes séquences. C'est quand même un de ceux-là qui a bien produit. C'est celui qui a le plus de points en décembre. Ben, il était à 3 points de Plekanec. Puis qui avait, hein? Oh. Qui avait le moins de temps de glace. Exact, ouais. Ouais. Pour le nombre de temps de glace, puis, c'est lui qui avait le plus de points. Il était à 3 points de Plekanec. Pour ça, je m'en calisse, mais... Ah, il m'énerve. C'est Galchenyuk avec ses trop de feintes qui servent à rien. Ouais, mais il fait quoi? Puis il va dans le trafic, par exemple. Si tu faisais une feinte de moins, puis tu pouvais un peu plus vers le centre, il y aurait beaucoup plus de points. Il génère de quoi? Tu peux pas dire qu'présentement, il joue... Plekanec joue comme la marde. Ouais. Ben, il joue pas, on le voit pas. Ben, non, Plekanec, mais... Plekanec joue comme la marde, puis Esti Pacioretty a vu le gonfler. Là, je m'en colle, je parlais pas de Plekanec, je parlais de Galchenyuk. Tu parles de Galchenyuk, je parle de Galchenyuk. Mais je trouve, honnêtement, qu'il longe beaucoup trop les bandes. Puis quand il décide de rentrer dans le centre, il fait 8 feintes, puis il a perd. Oh, mais ça non, donne c'est jamais. Sûr, jamais mangé ça, un bon filet de longe de porc. Non, mais. Non, mais c'est sûr. Des longes c'est de bande. Il c'était un longe de bande. Il chauffe pas assez vite, puis. Ça m'énerve parce que je sais qu'il y a un style wrister, mais il l'utilise pas, il va jamais dans le centre. Ouais, mais c'est il va pas dans le trafic. Il est un playmaker en même temps. Il est capable de tout faire. C'est un style passeur. C'est un bon playmaker aussi. Ouais, mais il cherche pas le contrôle de la rondelle. Mais c'est juste que des fois, il cherche le jeu parfait. Il attend trop. Il veut trop faire de feintes. T'en fais une, c'est cool, t'as passé ton joueur. Ouais, il essaie d'en faire un autre. Man, il veut épater la galerie, man. Mais ben, Chris, ça marche pas. Ben non, mais il va apprendre, man. Si je veux dire. Mais en même temps, si je veux dire, c'était probablement un de nos. Dans nos top players, là, c'était probablement un de nos meilleurs dans le dernier mois. Ah ouais, mais parce qu'on était médiocre. Parce qu'on était mauvais. Ouais, était... puis c'est de ça qu'on va parler ce soir, la médiocrité du mois de décembre chez le Canadien de Montréal. Hey, finalement, le slum du temps des fêtes s'est rendu le slum du Thanksgiving. C'est commence là, c'est parce qu'on était. Thanksgiving américain. En deux temps, là, tu sais, je veux dire. Mais là, trois mouvements. Il y a de quoi qu'il faut dire en plus, là, c'est qu'en trois mois, on a passé de la meilleure séquence de victoire du Canadien de l'histoire à la pire séquence de défaite avec le même groupe de joueurs c'est à peu près. Terrible, c'est à cause de Price, man. C'est on est l'équipe d'un joueur, man. On commence sur, on va y aller point par point, on voit que la blessure de Price d'abord. Ben, on est l'équipe d'un joueur, man. Honnêtement, je pense que non, je pense pas, mon nom, je suis pas d'accord. Je pense que la blessure de Gallagher fait plus de mal à l'attaque. Que la blessure de Price. Mais parce pourtant, depuis que Gallagher est arrivé, on a deux victoires. Parce que les goalers ont pas été. Ils ont pas volé des games. Ils ont pas fait ils perdre pas été, tant de games non, que c'est ça. C'est les. Chris, quand tu perds 3-1, 2-1, 3-0. Si tu scores pas. Hey, on a, si on tu peux a, pas gagner si tu scores pas. J'ai, on j'avais sorti la stat qu'on a compté genre un point. Dans le mois du mois de décembre complet, je pense qu'on a une moyenne de 1. Mais même pas 2 buts par game. C'est pas Price qui est mis dans le net. C'est pas Price qui est mis dans le net. C'est Gallagher qui a une petite étincelle qui fait un petit peu donner un coup de pied dans le cou aux joueurs. En même temps, il y a peut-être aussi le leadership de Price qui nous manque en crise. Ouais, mais c'est ça. Lui, il manque dans la chambre. Mais pourquoi c'est pas le capitaine qui fait ça, ce style leadership? Parce que le capitaine, ça devrait être Price. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, je conseille. Que Price, c'est sûr, c'est pas lui qui score les buts. Puis s'il avait joué, anyway, là, s'il avait joué, peut-être qu'il aurait fait 3-4 victoires de plus maximum, c'est genre ça. Dans on leur lot de victoires. Il aurait peut-être volé une ou deux. Là. C'est ça. Il aurait volé une ou deux. Chris, il score pas de but, mais peut-être qu'il a son importance dans la chambre. Gallagher a son importance dans la chambre. Puis là, ça fait moi, du bien. Gallagher est revenu, mais on a vu, ça n'a rien changé dans les deux dernières games, par exemple. Juste la classique Vernal. Après la classique Vernal, il est revenu à la classique Vernal. L'autre game d'après, Chris, ça a été là. Non, encore les Flyers, c'était chier. Les Flyers, c'était dégueulasse, puis les Flyers, en plus, sont non, c'est dégueulasse, mais honnêtement, je trouve que le trio, parce que Plekanec, je suis d'accord, là, il a joué vraiment comme un esti fillette dans le mois de décembre, puis Pacioretty aussi. Mais depuis que Gallagher est revenu, je trouve qu'on les voit un petit peu plus. Ils produisent peut-être pas. Ouais, parce que vrai, ben, on les voit plus. Honnêtement, on voit plus Pacio, mais je trouve que Plekanec est encore assez effacé présentement. Ouais. Plekanec, il y a 2 buts dans les 36 derniers games. Je vais juste shooter ça demain. Mais combien de points? Je sais pas. Mais il a bien joué contre les Devils quand même. Ouais. Il est comme rentré en mode playoff là, déjà. Là. On n'est pas sorti du bois, man. Ben, ça ressemble à ça. Il a comme disparu de Pacio, c'est la même affaire. Ouais, Pacio. C'est exactement ça, je pensais. Pacio, les deux. Ah, lui, là, c'est l'enfer. Lui, je comprends pas, man. C'est pour ça, moi, je me disais, là. Tu sais, on avait jasé, là, t'es rien. Maintenant, on jasait de ça. Puis je me disais, tabarnak, ça n'a pas d'allure. Sérieusement, il me fait penser, genre, comme si, là, il s'en colle ça. Puis il attend juste qu'il se passe de quoi. DG prenne une décision sur l'équipe. Parce que, moi, je trouve qu'il a l'air d'abandonner le navet. Il abandonne. Il est très bandé. Il abandonne. Vous avez vu cette semaine le clip de Subban là, qui arrête pas de sacrer dans la chambre. Puis qui pichote partout. La face de Pacioretty partout, ouais. La face de Pacioretty. Dans quoi ça, ce clip-là, dans 24CH? Je sais pas si ça venait de où. Ça venait de 24CH. Je sais pas si GF, c'est là que t'as vu ça ou. C'est The Road to the Winter Classic. Ah, ok, ok. Ouais. C'est comme le 24-7, là, dans le fond. Là, de... Ouais, mais genre en beaucoup mieux. Là. Ouais, ouais, de TSN, ça. Non, c'est la Ligue nationale qui produit ça. Ben, c'était bon, ça, 24-7, by exemple. Tu, c'est parles ça 20, qui... tu parles de 24CH? Non, 24-7, dans le temps, ESPN. C'est la même affaire. C'est HBO qui faisait ça, mais c'est les mêmes producteurs. Tout d'un coup, ma voix comme... Ouais, j'ai monté mon micro. Mais c'est de ça qu'il parle. C'est ça, parce que 24CH, ça, c'est dégueulasse. C'est fait pour les pauvres, ça. Mais c'est une info pub, le Canadien, mais gars, c'est ça. C'est ça, c'est du placement. Il y a une affaire que j'ai retenue aussi. Moi, je suis un... Moi, il y a une affaire que j'ai retenue de 24CH, les sœurs Apache Ready. Yo! Ouais. Mais dans le fond, moi, j'ai... Je suis un gars qui connaît le langage non-verbal pas mal. J'ai suivi des cours là-dessus. C'est psychiatre Mallette. Ouais, c'est ça, Mallette. Le synergologue. Mallette analyse. Vous avez tous vu la vidéo que j'ai postée sur Twitter il y a peut-être 2-3 semaines. Hey, on l'a vu, on l'a revu. Puis c'est laquelle tu parles? C'est Zygmunt celle que quand Terrien arrive dans la chambre puis il demande au gars « Are you satisfied or you want more? » Ça a pris 10 secondes avant que Fleischman dit « More ». Personne se regardait. Delouis se fouillait dans le nez. Plekanec, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il passait sa jupe. Mais Chris, il se fouillait dans le nez. Ben, Plekanec, non, mais t'as pas vraiment qu'est-ce qu'il se lance. Il y avait une si grosse velpa, man, qui collait dans le bord de la. Ouais, mais de, où, la paroi, est où l'orgueil? Est où la fierté? Velpa. Il est où le feu dans les yeux? Ouais, il est où le feu dans les yeux, Chris? Le quoi? Le regard à Maurice, là. Le quoi? Le feu dans quoi? Le feu dans les yeux, c'est ça qu'il a dit. Je répétais sa phrase. Feu dans les yeux. Feu dans les yeux. Mais non, mais. Les yeux, man. On veut vos yeux. Les bons yeux à la clé. Les joueurs s'en calissent présentement. Ben parce qu'ils perdent, là, ils sont d'un asti de mauvais. C'est pas parce qu'ils perdent, parce qu'ils font la crise de babou. Non, mais s'ils s'en collissaient pas en perdant, genre, on aurait vu du pétage de bâton, des joueurs en tabarnak. Là, ils sont juste comme, on a perdu. Ouais, mais c'est parce que leur pétage de coche est comme rendu individuel. Ben, tu sais, là, ils maugraient tout dans leur coin, là. Ils maugraient. C'est que c'est beau comme mot, ça. Ben, ils s'en foutent. C'est Markov, t'as déjà vu un gars, tu sais, un russe déjà qui a pas d'expression dans la face, on dirait que c'est une statue, calice. Ah, mais Markov, tu parles? Ah, oui, Markov, il est même depuis toujours. Ouais, Markov, ouais, il bouge. Hein. Markov, genre, c'est un assassin, attends, c'est sûr qu'il tire le monde avec un silencieux. Markov, là, ça man. Fait combien de temps qu'il joue pour le Canadien? Je pense que la première fois qu'on l'a vu sourire, c'est cette année. Là. Ouais, au début. Ouais, genre, quand on présentait les joueurs, mais. Tu sais, genre, on peut pas. Markov. Son problème, c'est qu'il est ralenti par son soluté qui traîne, crise de vieillard. Il non, mais là, il joue trop, là aussi. Non, mais je veux dire, il a coupé son temps de glace quand même récemment. Oui, puis depuis qu'ils ont coupé son temps de glace, ça coïncide avec la séquence de défaite qu'on a eue. Ben là, attends, ça coïncide avec bien des affaires. Tout coïncide avec la séquence de défaite. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, écoute, j'ai posé des questions à du monde. Puis Markov, il a pété une coche quand Terrien a décidé de l'enlever de la paire avec Subban. Fait que là, c'est rendu que les gars respectent tellement Markov. Qui se crée ben, du c'est coach. Sûr, là, c'est le plus ancien dans la chambre, Basti. Ben, c'est ça, c'est comme l'ancêtre du club, ou je sais pas, whatever. Là. Mais j'ai comme l'impression que le message du coach passe beaucoup moins qu'avant. Puis que les gars s'en collent. C'est sûr, moi tout. C'est sûr. Ça commence rendu à user, là, c'est hein. Rendu grave en tabarnak. Là. Excuse-moi, là, mais il reste encore 42 matchs à jouer dans la saison. Puis si on continue à jouer de même, Esti, on va voir. On ferait pas les playoffs. On les fait pas. Puis on risque de finir les trois derniers. C'est sûr que le discours de Terrien commence à s'user un peu. Ça va être tight, les playoffs. Ben, ça dépend. Là. Si... Hey, imaginez-vous si on ne fait pas les playoffs. On va avoir fait la plus grande séquence de victoire du début de la saison. C'est dégueulasse. Là. Ah non, c'est. Et 6 mois de revirement. Écoute, présentement, je me retiens. Là. Je me trouve bon, là, mais je me sens encore plus en crise que je l'étais à l'époque. Tu trouves que bon? Randy Connayworth coachait le Canadien. Là. Oh, mon Dieu. Non, on a le dit, on n'a pas le droit de nommer Connayworth ici, lui. Il serait placé là. Puis, Connayworth, c'est comme tu peux pas. Écoute, j'étais bien plus content. Ou mettons, j'étais beaucoup moins en crise quand Caberlé s'est amené à Montréal que quand Scriven s'est amené à Montréal. Elle s'est rendu grave en tabarnak. Ouais, mais Scriven va retourner dans la Ligue américaine. Ouais, mais attends. À date, oui, là, c'est sûr et certain. Non, mais c'est bon. C'est parce que ça prend Scriven, admettons. Moi, je pensais à ça. Je me disais, OK, c'est bon. Scriven va retourner dans la Ligue américaine. Puis lui, il va être avec Fucarlé. Puis c'est un goaler qui a de l'expérience à la Ligue nationale. Il va pouvoir aider Fucarlé dans son développement. Je pense pas que le move de Scriven, ça a été quelque chose qui était fait pour aider le Canadien à l'immédiat. C'est juste parce que Price est blessé jusqu'à la fin de la saison, d'après moi. Il n'y a pas le choix d'aller chercher. Il avait pas confiance au temps. Faire avoir Scriven en backup à Condon moi aussi là. Personnellement surtout il est meilleur monde, t'as rien écouté là. C'est vrai que Tokarski c'est un bougon en plus là. Il arrêtait pas de chialer là. Ben qui mange de la merde, il a tout le temps une attitude de merde, espèce que quelqu'un qui chiale, il est rendu en Floride. Non lui il s'est fait échanger. Anaheim, mais si il va aller jouer pour Gordon Bombay, il va finir. Non, il est pas Anaheim, mais non, il a changé contre un gars d'Anaheim. D'après moi, il est à Karski contre Friberg. Attendez, on s'éloigne. Il va finir à Fribourg, avec Pierre Lambert dans la camp qui s'en vont jouer contre la Suisse. Eh boy. Hey Pierre, tu prends le train, tu t'en vas à Fribourg. Slap puis Bourgogne. Bourgogne, c'est pas ça que je voulais dire. Bourgogne. Bourgogne. Bourgogne, ah ouais, let's go. Le vin. Ben moi, c'est Snap puis Bourgogne. Ouais, Snap puis Bourgogne. Mallette Enquête, on le sait tous. Mais... Ouais, allez voir ça sur notre YouTube, notre page Facebook. Mallette Enquête, les vidéos. Puis là, on a des informations. En plus, on a des publicités de tireurs de joint, puis de carreleurs, et de grosses la mop. Ouais, si vous voulez placer votre produit, Mallette cherche des sources. Mais surtout dans la construction. Ouais, c'est ça. Si t'es plombier et que t'as travaillé dans une maison joueur de hockey, Mallette Enquête. Ouais, ça a l'air que Dernay, c'est pub de M2 au 10-30. Là, il faut qu'il monte sur un bloc pour pouvoir paraître dans le cadrage de la caméra. Crise de tout. Mais ouais, Mallette, ben beau avoir des sources de plombier, mais j'ai d'autres sources. Oh! C'est quoi ta source? Je le dis pas. Oh, tabarnak. Hey, je vais le dire C'est quoi ton info? Tu dévoiles jamais tes sources. C'est quoi ton info? Je dévoile pas mes sources. Mon info, c'est que... Qui a couché avec qui? Là? Price, il va passer sous le bistouri. Ah, ben là, ça... Ah ouais, en Allemagne. Mais... Vous l'avez dit, aussi. En Allemagne, à Fribourg. Mais c'est... Fribourg, c'est où ça? C'est une question de temps. Qui passe sous le bistouri, puis on l'a perdu pour le reste de la saison. Je l'avais dit l'autre jour, je te gage, je dis que c'est fait opérer déjà, man. Ça fait 6 semaines, ça a fait déjà 2 jours. Ils l'ont jamais dit. Moi, je te dis, ceux qui ils l'ont opéré dans notre dos, man, ceux qui est déjà opéré. Ça se peut, mais c'est trop de cul, est-ce que caché ça? Ben pourquoi? Ils n'ont plus rien à nous dire, c'est pas de nos affaires. Ben sacrément, c'est pas, on n'avait pas des bonnes au prix que le monde paye leurs hostitucs pour au moins donner de l'information. Ben non, au prix que t'as payé ta tuc. Ben je suis pas le seul. Non, pis ben, imagines-tu ben, comment il y en a des poissons? Je veux dire, hey Jeff, au prix que t'as payé ta tuc, moi tout je serai en tabarnak. Donne-moi l'info sur Price, esti. Moi c'est pas compliqué, Mallette. Je suis en tabarnak à cause du prix que t'as payé ta tuc. Ben je suis victime. Je vais savoir. Hey, donne-moi le pompon de ta tuc pis je vais être un peu en calice. Ben écoute, j'ai acheté la tuque quand ils ont gagné 9 games en ligne, j'étais content. Asti que t'es fafan, arrête de te faire aller là-dedans. Ben écoute, je suis un gars émotionnel, mais j'ai toujours dit que le Canadien, c'est comme des agacipissettes. Ils font croire que t'as des chances, Asti, puis à la dernière minute, ils te brisent le cœur. Encore cette année, c'est exactement ça qui est arrivé, Asti. Ça remet ça, tu dis ça avec la main dans le front, mais ils te brisent le cœur. Ouais, ben là, non. C'est ça, le Price. Ils m'ont brisé le cœur. Mais ben oui, c'est la tabarnak, je te dis, j'étais en crise, puis là, je me calme. Là. J'ai fait la méditation cette semaine. Oui. Il y a 2 conversations. Non, mais là, c'est parce que ça va être beau, Mallette, là. T'as un vaginisme, là. Attends un peu, là. Ils ont brisé le cœur. Mais là, Chris Mallette, là, il revient plus, là. Hostie, là. Attends, on est rendu dans la conversation. Mais on est rendu, on est revenu à Price, là. Price, il est blessé au quoi, là? Il est au genou. Il était au genou. Il est blessé au genou, puis c'est une question de temps qu'il se fasse opérer. Je pense qu'il voulait juste essayer de pas l'opérer. Puis c'est pour ça qu'ils ont dit 6 semaines, puis finalement... Ça guérit pas, Chris. Il a besoin de se faire opérer. Il voulait l'opérer, man. Mais il voulait l'opérer au début, puis ils se sont dit, non, on l'opérera pas, parce que comme ça va juste prendre 6 semaines, on va finir la saison. Ils ont perdu du temps, mais s'il l'avait opéré, l'affaire, c'est que tantôt, il est allé devant les médias, puis il serait arrivé en béquille, là, tu sais. Il peut pas marcher après une opération, même au genou. Non, ça mais, prend 6 mois, Chris. Mais il y a une affaire, moi, qui m'a indiqué que ça va être long en tabarnak, c'est qu'il patine pas. Il a pas mis son stock une calice de fois. Il est jamais sur une patinoire. On l'a perdu pour la saison. Hein? T'es goaler. Ben, il faut que tu patines, Asti. On l'a perdu pour la saison, c'est garanti. Ah, c'est sûr, moi, je suis pas surpris. Moi, le temps. Là, ils ont dit 2 à 3 semaines. Le dernier report, c'est 2 à 3 semaines hein, qu'ils disent. C'est jusqu'au match des étoiles. Minimum, bon. Jusqu'au match des étoiles. Ils ont comme dit 6 semaines minimum. Là, c'est minimum. D'après moi, ils vont repousser après le match des étoiles. Là, ça va être minimum. Ça fait combien de semaines après le match des étoiles, là? C'est dans un mois, le match des étoiles. 6 semaines? 10. Un mois. Ça va être rendu 10 semaines depuis le début de sa blessure. OK, je pensais qu'il était encore blessé pour 10 semaines. Tu veux dire, 4 semaines supplémentaires. Oui, parce qu'il disait que c'était pas avant le match des étoiles, puis là, finalement... C'est qui a annoncé ça? C'est au moins. Ouais, là, c'est officiel, ça. C'est au moins. Ouais, il essaie encore de repousser pour être sûr. Ils veulent pas l'opérer. Ça veut dire que c'est comme pas le temps de trader, là. Si, je t'écœurerai. Oui. C'est comme pas le temps de trader, là, dans le fond. De quoi c'est pas le temps de trader là? Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire comme ben, trade. C'est ça, là, ben, t'échanges pas parce que tu veux pallier genre à un. Tu sais, Price ben, c'est si pas le joueur. T'échanges pas, Price, pas pour gagner la coupe. Honnêtement, si Price, Price est ton joueur est out pour la saison, ça vaut qu'ils pas le savent, qu'ils nous le disent juste pas. t'échanges pas. Ben non, c'est sûr. Parce que tu fais. Pour ça qu'ils trade pas, même parce qu'ils savent. Ben en fait, t'échanges pas pour les okay, pour tu gagner. Tu parles d'aller chercher un gardien de but. Non, même un joueur d'attaque. Un joueur d'attaque, oui, tu pourrais. Mais présentement, c'est-tu vraiment ce que tu as besoin? Ben, tu ferais peut-être un bout de location. Ça t'empêche pas d'aller chercher un. Pas un joueur de location. Honnêtement. Mais un gars qui a un contrat. Si un gars qui a un contrat puis que tu échanges de quoi qui vaut la peine, un échange d'un besoin contre un besoin, oui. Mais je me dis tant qu'à ça, si on est pour pas avoir la prize de la saison, fini la saison, Christo dans le cave, va chercher un bon pic, puis. Ouais, puis t'échanges ton bois, mort. Ouais, mais tu sais bien qu'à Montréal, ils pourront jamais faire ça. Tu libères. Non, parce que Bergevin, il est pas capable de faire des échanges, Justy. Il faut qu'il tienne la main à Larry Carrière quand il appelle un gars au téléphone. Jeff, sérieusement, moi, je pense pas qu'il est pas capable de faire des échanges. Il est pas capable, Chris. Je pense qu'il attend de faire un move comme exactement comme Columbus puis Nashville, ils ont fait. Non, oui, parce qu'il y a pas tant de stock à échanger que ça, là. T'as-tu vu Kalis Tokarski, c'est parti pour quoi? C'est parti pour Fribourg. Ben oui, mais sacrément, si. Bergevin, il pense qu'en échangeant son caca, il va avoir de quoi de bon retour. Toi, tu penses qu'en échangeant son caca, il va avoir quoi de bon retour. Non, moi, je suis prêt à sacrifier des gars. T'es prêt à sacrifier qui? Moi, je suis prêt à sacrifier Nathan Beaulieu, sacrament. Non, mais Nathan Beaulieu, t'as pas tant de stock que ça pour Nathan Beaulieu. Non, mais c'est une valeur. T'auras pas un joueur de premier plan pour Nathan Beaulieu. 60% de la masse salariale est investie devant le filet puis avec les défenseurs. Ouais, mais GF. Jeff, sois réaliste. 40% des attaquants. Il y a 12 attaquants asti qui jouent sa glace dans la game. Sois réaliste. T'auras rien pour Nathan Beaulieu, man. Tu vas voir qu'est-ce que Nathan Beaulieu veut. Je sais, mais regarde, on a des prospects c'est qui ont du potentiel. C'est plate à dire, mais Nathan, là, t'as rien, man. Vaut pas. Oui, Chris. T'as quoi? Sherback a une valeur. Foukary a une valeur. McCarron a une valeur. Andrejko a une valeur. Mais tu sais même pas, c'est des gars qui vont faire la NHL, man. Ouais, mais ok. Ouais, mais tu le dis pas. Je suis d'accord avec toi. Sherback, McCarron ont une valeur. Pas une grosse valeur. McCarron, c'est un troisième trio. Sherback, McCarron, Nathan Beaulieu ont des valeurs. Mais si tu veux échanger ces gars-là, il va falloir que tu mettes un gros nom puis tu dises « puis je te mets des gars qui ont du potentiel dans le lot pour aller chercher quelque chose d'intéressant. » Fait que tu vas sortir un gros nom pareil. Là. Sherback, peu importe. Sherback était supposé là, breaker cette année. Ouais. Il aurait été supposé pouvoir breaker cette année s'il avait eu tant de talent. Non, mais Sherback, il n'a même pas joué une game nationale. Il est tout le temps blessé. Deux clomotions. Il est blessé. Ben, c'est justement, il n'y a pas de valeur, man. C'est un clomotion. Sinon, il sortirait son J'ai dit clomotion. C'est un gars qui a un potentiel. On l'a jamais vu dans la Ligue nationale faire 15 games. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse de quoi. Ça, là. C'était aléatoire. Non, c'est parce que. Le timer a fucké, là. Non, parce que le multitask marche. Le multitask marche sur l'iPad, mais quand je reviens, le timer avait. Comme il était mis en pause. Fait que je savais pas si c'était un vrai 20 minutes. Fait que là, je l'ai comme arrêté. Parce ben, que on la devait bière, être proche. Ça fait, mais on devait être proche. Ouais, on devait être proche. On va rectifier ça en deuxième période. On va tomifier. Ouais, parce que tu vois, je me réchauffe, là. J'étais encore. Tu te réchauffes? Ouais, je trouve que ça manque de call-out, là. Moi, à un moment donné, je vais en faire un call-out quand je vais le show. Ah ouais? Bon, ben, bois un peu plus. Puis on s'en faire une entrée qu'on ouvre la deuxième période. On est retour pour la deuxième période. Ouais. Asti, c'était crashé, ça. Tu dis tout le temps ça tellement vite, là. On est retour pour la deuxième période. C'est parce que vous me laissez comme un demi-seconde pour parler. Fait tu dis deuxième ou troisième? Ouais. Deuxième. Ok, j'ai compris troisième. Ah oui, il est vraiment blasé. En fait, j'écoutais hein. pas. T'as l'impression, là, qu'il est comme. Il est en pantoufle, les deux pieds sur le pouf. Puis Bon, on est retour pour la deuxième. Je suis tellement tanné, là. Bon, j'ai des extraits de Bergevin qu'on pourrait écouter en commençant la deuxième période pour se remettre dans le bain, là. Prime nous un peu. Là. Mais ce que je veux que JF sorte le doigt. Bon, le doigt est sorti. Premièrement, on a Bergevin qui va nous expliquer que c'est difficile maintenant dans le. Alors, ça lui a pas trop fait mal au cul. Bergevin explique que c'est difficile de faire des transactions. On l'écoute. Ben, c'est certain que, écoute. Certain que. C'est la même équipe qui était un bout de temps. On est d'équipe qui marquait au-dessus de 3 buts pendant un bout de temps. Si tu veux aller chercher de l'aide, premièrement, il faut que tu donnes quelque chose. Alors, ben oui! Puis en ce moment, on peut voir dans la Ligue nationale, avec ce qui se passe avec le cap salarial, là, toutes les années, il y a de moins en moins de transactions. Puis tu as ton équipe, puis c'est avec ça que tu commences l'année. Puis éventuellement, tu vas finir avec la même chose. Il y a des petits ajustements habituellement à la période d'échange. Mais des grosses transactions, il n'y en a plus. Puis je suis clair avec les joueurs, c'est ce groupe-là qui nous a emmenés où est-ce qu'on était. Puis c'est ce groupe-là qu'on va falloir s'en sortir. Fais-tu une camomille? J.F. n'a pas l'air d'accord. À Manette, ben, je parle. Une camomille, ouais. Ça dit une petite camomille à ma J'ai vu-tu le deuxième extrait de suite de Bergevin qui parle de la déception de ses vétérans? Puis de... Ouais, C'est quoi le terme qu'il utilise? Désappointement. Désappointement. Un désappointement. Je sais pas si c'est dans celle-là ou que je l'ai pas pris, mais à un moment donné, aussi Bergevin dit « Ah, sûr que Carey Price est argumément notre meilleur joueur. » Argumément, tabarnak! Je l'ai pas mis, ça. Argumément! On l'écoute. Écoute, Martin, c'est quoi ça veut dire que c'est facile puis qu'il n'y a pas un peu de désappointement, je mentirais. C'est vraiment, écoute, on est tous déçus. Mais encore là, il y a une expression qui dit « Stop tes meilleurs joueurs, j'ose pas à leur performance. » J'ose. Tu ne gagneras pas beaucoup de parties. Alors, c'est nos meilleurs joueurs qui nous ont amenés au succès dans le passé. Puis c'est nos meilleurs joueurs qui vont nous sortir d'une période difficile. Alors, écoute, c'est à eux autres à passer à travers cette période-là. Puis moi, je les supporte jusqu'au contraire. Y a-tu vraiment une expression qui dit que si tes joueurs jouent pas à pleine performance, tu gagnes pas? C'est quoi? Ça vient de où cette expression-là? Genre, ça vient des Whalers. Ça vient de Pointe-aux-Trembles. Jusqu'au contraire. Pointeau. Non, mais est-ce qu'on laisse JF faire ses call-outs parce qu'il va respirer fort dans le micro là? Ouah. Ok, on y va. Marc. Il est bien trop calme. Hostie de calice, tu passes ton temps à chercher des hosties de gars de 5 pieds 6 plutôt. Le hostie de palais des nains, là, je t'ai cœuré, calice. T'es pas capable de faire des échanges, hostie. T'as engagé 50 personnes, sacrement, pour épier toutes les calices d'équipe de la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu fais, calice? JF, t'as pression. Ah, man, t'as piqué. Non, mais tabarnak. Des échanges, ça y en a des échanges. T'es juste pas capable, calice. Il est aussi rouge que son doigt. J'ai chaud présentement. Hey, lâche pas. Non, mais sérieux, là. Des hosties de vétérans, sacrament, là. Arrête donc de les aimer pis de faire des concours de push-up avec eux autres. Échange-les, calice. Je suis plus capable, c'est-tu parce que tu veux liquider tes hosties de t-shirts à la boutique de Color Sport? On n'en veut pas de tes hosties de t-shirts, calice. Bon, j'en prends de mon souffle. Ah, il y a une chance qu'il n'y a pas de nom, c'est Tuc. Je me suis fait fourrer, remboursez-moi! Asti, 50$ pour une calisse de Tuc pendant qu'il gagnait 9 games en ligne. Oh, ben là, Asti, ouais, c'est sûr que... Oh, ben t'as vendu... Ça, c'est comme le monde qui chante sur Uber qui se font charger trop après avoir accepté, Asti. T'avais rien qu'à prendre fast shipping, Asti. Tu l'aurais eu pendant, genre... Achète pour ça! Non, parce fast shipping, il me chargeait plus cher, genre 25$. Ben oui, mais Chris... T'es seul qui achète autant de gear de CH, man. Asti, sérieux. Théo Média m'a dit qu'il ferait zafret cet hiver. Fait que j'ai acheté une tuque chaude. Mais tabarnak, fais comme tout le monde. Puis achète, fais comme moi, achète une tuque de la CS. Une tuque de la CSN, ça fait pas pantoute partisan. Ben, on va parler des échanges justement de Bergevin qui se sont passés entre nos deux podcasts là, qui datent de fin novembre à début janvier. Ok, là, j'avais oublié la première. Ouais, Christian Thomas est parti. Oh! Contre Lucas Lessio. C'est sacrament, man. Ça, c'est mais lui, il est gros, me semble, par exemple. Ça, ah, ça ouais. C'est 3, ça, sauf ça, c'est 4. On s'en calisse en même temps. Hein? Ça veut-tu dire qu'ils l'ont comme observé genre pendant plusieurs matchs, ce joueur? Qui? Lucas Lessio. On s'en calisse. Bon, il y a des scouts, là. Hey, Thomas, ils l'ont crissé dehors parce que s'ils prenaient un coup. Mais là, ils ont des joueurs partout. Les gens à Thomas, c'est là qu'il y a eu le vidéo de J.P. Utah qui marche. Ils ont... Non, c'est quand ils ont posté la vidéo que tu vois Thomas avec Beaulieu dans un after party. Ouais, là, avec des petits plots. Non, mais t'as peu. C'est pas rien que ça. Ça, c'est quand t'es. Non, non, je dis pas que c'est pour ça, mais tu sais, c'est parce qu'il était sa brosse. Ouais, mais quand c'est ça, c'est sa brosse. Quand tu sors de même, pis t'es sa grosse crise de brosse, pis ça vient aux oreilles des boss, tout ça. Toi, d'habitude, c'est une patinoire, t'as de l'air pas très fringant non plus. Surtout si, tu viens de monter de ça. Là, non, là, il est à Montréal. Ouais, mais il venait de monter. C'est ça, mais ça, ça apparaît sur ton jeu. T'es pas là, t'as été malade, t'as barfé toute la style de veille, t'es blême comme un drap. Puis ça, on sait pas, Chris, t'es-tu arrivé comme en retard à pratique? Si t'es une rookie, là, tu rentres, là, t'as pas le droit d'arriver en retard, là. Je pense pas qu'il est arrivé en retard. C'est l'image. Il est de mon cadre. À Montréal, il y a des standards. Tu sais, c'est comme si tu prends une bière, t'es méchant. Tu sais, c'est comme. Ben comment, là, là. Voyons, là. Non, l'organisation est lousse là-dessus. Ils n'aiment pas les abus. Ils n'aiment pas quand tu dépasses la limite. Ben oui, mais ils établissent une limite. Ils ont le droit de sortir, les gars. Je sais qu'on doit sortir. Puis honnêtement, là, ils sortent toutes, là. On regarde la vidéo de Beaulieu puis Thomas. On analyse la vidéo, OK? Ben là, il n'y a pas grand-chose à analyser. Qu'est-ce qu'il y avait de grave dans la vidéo, honnêtement? Pas tant, là. Il n'y avait rien de grave. Non, moi, je te dis, c'est pas une vidéo. Moi, je te dis, c'est. Puis c'est le pire, c'est la pratique, c'était Beaulieu. C'est arrivé au pratique. C'est une distraction pour l'équipe. T'es ici, t'es ça. Parce que t'arrives, t'es tout crush, t'as de l'air comme. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, là. Attention, attention, Mark. Attention, parce que ça s'est passé. Un samedi soir. Le dimanche, les gars ont congé. À Châteauguay. Ils n'étaient pas arrivés en retard à la pratique. Ouais, mais ça, ils avaient congé. Ouais, mais peut-être qu'ils sortent la semaine et tout. S'ils aiment ça brasser le jeudi, vendredi soir, ça doit être trippant et tout. Là. Mais en tout cas, ça m'a brassé de la merde, cet échange-là, pour un joueur comme Christian Thomas. Là, Non, puis sais-tu quoi, ça, là, c'est parce que pour Thomas, là, c'est un joueur qui a comme pas de. Il n'y a pas d'avenir avec les Canadiens. Il n'y a pas de statut. Ben non, il est pourri, tabarnak. Exactement. Fait que pour Therrien, pas pour Therrien, mais pour Bergevin, ben lui. Mais pour Bergevin. Ça paraît, tu sais. Pourtant, son père, c'est Steve Thomas. Il est aussi pourri que sa face. Mais Jeff, t'as un peu. Pour Bergevin, là, c'est une astuce de belle occasion d'arriver pour faire comme. Aller chercher un autre pourri. Non, c'est pas ça, man. Non, de montrer la barre est où, man. De faire comme. Mais hostie, vous voulez niaiser, tout ça, gars. Cette année, il a montré la barre était où. Christy Thomas dehors. Il avait pas le choix. Quel genre de temps. Mais, tu penses qu'il y a eu avec Cation, c'est ça? Non, mais justement, là, on va tomber sur le deuxième trade. J'ai pas de problème avec oui, ça. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais à faire des échanges de joueurs de Ligue américaine? C'est-tu les Ice Caps qui ont besoin d'aide? Lui, il se débarrasse des distractions. C'est ce qu'il fait en ce moment. Honnêtement, tu sais quoi le problème à Montréal? C'est que dans une autre ville, t'en entendras pas parler des petits trades des Ice Caps. Mais à Montréal, tu vas en entendre parler parce qu'à Montréal, on a juste ça. Puis il se passe rien. Y a pas fait que le petit trade de Christian Thomas qui vient, genre des Ice Caps, tu vas en entendre parler parce que le monde parle juste du Canadien, puis des Ice Caps, puis des joueurs. Ouais, mais à Toronto, c'est pareil. À Boston, c'est pareil. Ouais, c'est des gros marchés, ça. Ouais, puis ils font quoi à Toronto pour le plus gros marché à part aller chercher Babcock? Ils sont pas plus capables de faire rien, c'est-tu? Non, mais pourtant, Toronto a moins de défaites que Canadien de Montréal. Ouh! Ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est leur compte à 50 millions. Même pas comparable. Check ta tablette. Non, mais ça n'a rien à voir. Là, ce qu'on dit, c'est que c'est un joueur des Ice Caps, de la Ligue américaine. C'est pas un joueur du Canadien. C'est un joueur des Ice Caps. Qu'on a échangé parce qu'il fait juste la marde. C'est égal, Malette. 16-16. En défaite. 15-16. C'est pas qu'on parle de ça. Parce que c'est même pas un trade du Canadien. C'est un trade de la Ligue américaine. On s'en calisse. Non, mais c'est pas rien que ça. C'est un trade pour dire que la philosophie de l'équipe, c'est ça. Exactement. Bien, c'est pas parce que moi, j'ai la mèche courte en estime. On n'est pas là pour dire. C'est un trade de discipline, ça. C'est ça. Benjamin, il fait pas des gros moves. On s'en calisse. C'était pas pour aller chercher un gros joueur. C'était juste pour se débarrasser de ses plaies. C'est juste ça, là. Ouais, mais c'était pas montré. C'était pas montré. Exactement, c'est son main, Niu. Puis moi, j'ai pas le goût de niaiser. Puis là, on perd. Exactement ça. Puis amenez pas vous hostie de problème. Parce que moi, je tolérerais pas ça. Puis il y a qui arrivent des Ice Caps. Puis qui arrivent à Montréal. Puis qui font de la merde. Puis en plus, qui prennent des brosses. Puis qui arrivent à Hangover. C'est pas mal. Tu vas monter dans le club, man. C'est même que c'est ça. Puis comme je te dis, à Montréal, parce qu'on est à Montréal. Puis qu'on a juste ça à parler. Tu vas en entendre parler. T'en entendras pas parler, esti, quand je pense que Bergevin, c'est un esti DG qui est cool en crise. Fait que si Patrick Kane jouerait à Montréal, puis il aurait fait ce qu'il a fait, mettons, depuis qu'il est dans la Ligue. Non, tu parles d'un gars qui produit 40 points en 20 matchs. Amène un Patrick Kane à Montréal, tu vas lui donner un peu plus de corps. Hey, Guy Lafleur, dans le temps. Comme ils ont fait avec Dernais. Tu penses-tu Guy Lafleur, dans le temps, esti? Mais non, Chris, ils font ça des airs avec des justement. Les policiers le laissaient. Non, mais Dernais, il a fait des niaiseries. On est passé au quartier 10-30, puis ils l'ont benché une game. Ouais, mais justement, il a benché le game. Puis les niaiseries que Dernais a fait, tu compares avec quoi? C'est plus facile. Avec Patrick Kane, je pense. Ben non, mais ça se compare avec Christian Thomas a fait. Dernais s'est saoulé au 10-30, est-ce au Balthazar, puis t'as écouté la game de Mayweather, puis Pacquiao. Ouais, mais il se présente quand même. Dernais, il a pas le même background. Il est arrivé chaud, est-ce à pratique? Ouais, mais t'as peu. Dernais a pas le même background. Des playoffs. Ouais, mais. Dernier n'a pas le même background que Cation, par exemple. Cation, c'était connu, man. C'était un poudré. Il savait. Puis lui, en allant le chercher, il a fait comme un contrat. C'est comme, toi, là, je te dis, man, tu dépasses la limite une fois. C'est sûr, moi. C'est fini, tu ouais. Nous revois plus jamais. Tu t'en vas, man. Tu décolles. T'es scrap à Montréal. Il n'a même pas commencé à s'en aller. C'est quand même sa drôle chance, qu'il échange un coquet pour un coquet. Ouais, ben gars, il a changé des problèmes. C'est mais ça qu'il faut avec le club. Il a changé quoi, un coquet pour un coquet? Brandon Prost. La vraie question, là, par exemple, c'est ça les trades, man. Tu t'échanges des problèmes. La vraie question en ce moment, c'est qui a l'ouvre-bouteille? Je l'ai déposé sur la table tantôt pour. Je pense que je l'ai ramené là-bas. Sinon, je vais aller chercher. Sinon, deuxième trade, ça a été Cation contre Ben Scrivens, là, que tout le monde capotait pour rien. Là, sacrément. Ah, ça a l'air qu'il y avait une bombe là, qui se prépare. Ouais, non, mais là, on va arrêter de parler des bombes à 25 Stanley. Là. Les seules bombes qu'ils ont, c'est les fesses à Eugénie Bouchard. Là, fait que, hey boy. Mais ouais, ça, c'est quand même une bonne feature. C'est une bonne c'est quand même une bombelle. Ouais. Ouais, mais moi, en même temps, je m'encore à liste des articles de Eugénie Bouchard. Je veux juste voir son cul. Là. On s'en fout. Donne-moi des photos. Là. C'est pas ça qu'on parle. De toute façon, c'est Cation contre Scrivens. Là, c'était pour se débarrasser de Cation, puis c'était pour se débarrasser de Tokarski par après. Là. C'était juste ça, ce trade-là. That's it, là, selon moi. Scrivens? Ouais. Ben, c'est correct, ce trade-là. C'est correct. Oh, ouais, j'ai aucun problème avec ça. Moi. Ben, Jeff était pas content parce qu'on a perdu les mains dorées à Cation. Ouais, non, lui, mais ce qui est plate, moi, ce que je trouve le plus plate, c'est qu'on a échangé en bout de ligne Prost pour Scrivens. Pour Scrivens. Ouais, mais ouais, ouais, c'est fait, ça, ouais, exactement. Ça, c'est, non, non, là, non, non. Mais en bout de ligne, il fallait que Prost parce que Prost, lui, là, il fuckait. Ben, pas avec ça. C'est qu'il fuckait le monde à Montréal et tout. C'est que lui, là, c'était une mauvaise influence. Il a sorti du club, c'est pas seulement. Ouais, ben, ouais, oh, je te ouais, dis, oh, ouais, ça, c'est connu, genre, que Gal Chenyuk, tout ça, ça sortait avec Chris Cross. Puis, ça n'a pas l'air avec Lyon mieux aussi. Parce que Vince va juste fucker notre fiche. Mais c'est parce que s'il l'a sorti, c'est parce qu'il était tanné, man. Puis il voulait plus de ça. C'était quand même un gars qui se présentait. T'as qu'il aurait bien plus fucker notre fiche que Scrivens, d'après moi. Entre autres, mais sérieux, là, tu sais, quand c'est rendu, que tu fais un trade pour chercher le réserviste. C'est le sixième goaler de la Ligue américaine des Oilers d'Edmonton. On s'entend que les Oilers, là, c'est sont vraiment pourris d'un goaler, là. Puis le gars, il était classé quatrième dans l'organisme. Ah, mais on s'en calisse. C'est Talbot qui a volé son poste. On s'en calisse, Mallette. Il y a juste comme plus de talent que Tokarski, man. On a gagné. Oui, c'est sûr, parce que le gars, il a 10 ans de plus que Tokarski, à peu près. Sauf que l'affaire, c'est que Tokarski a 25 ans. Si on regarde... Boudaille, il était vieux, man, puis il faisait un job comme backup. Là. C'est pas correct. Ouais, il faisait plus un job, mais c'est un bon backup. Non, mais Tokarski a 25 ans en partant. C'est pas un, c'est non, pas un jeune goaler. Tokarski, genre, c'est un gars. C'est comme Condon. Il a quasiment les manches que Price, je pense. C'est, il y a 25 ans et tout. Condon, façon, c'est des là, vieux, c'est des gardiens qui sont développés sur le tard et qui n'auront pas des, nécessairement grosses carrières dans la ligue. Ah, mais de toute façon, ton deuxième goaler, tu veux que ça soit comme une vidange. Là. Puis un gars qui soit là. Genre... Non, mais t'as besoin d'un bon deuxième goaler en cas que ton gardien de but numéro 1 se blesse. Non, il n'y a personne qui a ça quasiment. Ben, parce que sérieusement. Je te donne un exemple. L'année passée. Cam Talbot, admettons qu'il a signé à longue cuisse quand il s'est blessé. Cam Talbot, il a fait un. Quand longue cuisse est blessé, ils ont fait goaler Cam Talbot. Puis après ça, Cam Talbot, t'allais signer à Edmonton. Ah oui. Puis qu'est-ce qu'il fait à Edmonton? Non, fuck out. Ils ont échangé. Talbot, mais il a échangé. Il était peut-être une bonne assiette, mais Chris, son assiette, finalement, quand tu checkes ça, c'est une assiette vide. Ça, c'est pas grave. Les Rangers ont eu quelque chose en retour. Malade, quand t'as un goaler, là, mettons, qui goal, je sais pas, au moins 20 games, admettons, comme gardien backup, OK? Puis admettons, le gardien. Hey, c'était un autre paire de manches. Admettons, là. OK, admettons, là, il gagne quasiment toutes ses games. Ses 20 games, il gagne quasiment toutes. Ouais. C'est un goaler solide, OK? Quand il back up, il gagne tout c'est le ça. Temps. Là, mettons, le goaler principal se blesse. Là, c'est un autre paire de manches en tabarnak. Mettons qu'il goal 10 games. À Chris, il a goalé 30 games dans la saison puis il en a gagné vraiment gros là-dedans. Lui, il se dit quoi? Il dit, moi, là, je suis capable de goaler numéro 1. Je pense que je suis capable de goaler numéro 1. Tu penses qu'il veut rester deuxième toute sa vie? Non, man. Il veut tenter sa chance pour être numéro 1. Quand tu deviens premier gardien, ça change toute la game. Ça prend un goaler qui accepte d'être un porteur de cravate, qui joue pas souvent, puis qui s'assure d'être bien habillé, puis d'être le fun dans le vestiaire, puis quand tu joues, Christ, tu donnes à fond, une belle attitude, puis les joueurs sont contents quand c'est toi qui goal, parce qu'ils veulent te faire gagner. Moi, deuxième Boudaille, gardien, avait une belle attitude. Boudaille avait ce rôle-là. Il avait une belle attitude. Il était funny dans le vestiaire. Mais c'est ça, il y a le profil parfait, il savait, c'était ça sa job. Il y avait Dan Flanders, son casque, il savait même pas c'était qui. Ouais, mais t'as peur. Mais sérieusement, ça prend un goaler qui accepte ce rôle-là, puis qui aime ce rôle-là. Dans le fond, je pense à ça, je shoot ça de même. Y en a-tu des bons deuxième goalers dans le national qu'on est capable de nommer de même vite? Ben, t'as à Chicago, là, t'as lui qui a goalé l'année passée pendant les playoffs. Ben, Darling. Détroit n'ont pas un mauvais duo de gardiens. Ils ont deux bons gardiens. Jimmy Howard et Mazurek. C'est quand même pas mauvais. C'est ça, mais là, parce que c'est 40-40. T'as Washington, c'est Holby, puis... L'autre, je sais pas. C'est qui à Washington? Thomas Grice, il est bon, lui. Thomas Grice? C'est pas des lunettes, ça? Lui, je pense que c'est le deuxième goaler de... Ah, c'est ça. Il me semble avec Grice et Scaff. En tout cas, techniquement, je trouve que c'est un trade de marde. Parce que Terrien, dans le fond, ce qui s'est passé, moi, je vois juste analyser le tout. J'ai point par point. Zygmunt Michel Mallette. Terrien, chiant devant les journalistes. C'est quoi que t'analyses, Calis? Il n'y a rien d'analyser là-dedans, Écoute mon histoire. Écoute mon histoire. Écoute, Michel Terrien, il était une fois. Que ces goaleux valent pas de la merde devant les journalistes. Ouais, les goaleux. C'est tellement à faute des goaleux. C'est le fucking top 6 qui marche pas. C'est en ça, moment, mais là. Terrien, il a dit c'était à faute des goaleux. On s'entend là-dessus. Il a dit c'était à faute des goaleux. Il a pas dit c'est la faute des goaleux. Il a dit qu'il en voudrait plus de la part des gardiens. C'est ça qu'il a dit. Ben, c'est, ça veut dire sa faute d'égo, là. Ben non, mais il parlait pas, genre, overall, il disait, j'en demanderais plus une fois de temps en temps, tu sais, je pense pas que c'est comme, c'est tout le temps eux autres le problème. Je pense pas qu'il a dit, genre, ben, le problème, c'est juste comme, les gardiens. C'est comme ça que ça a été interprété, en tout cas. C'est comme ça que tu l'as interprété. Pas juste moi, esti. Ben, toi, est correct, ça, le journal de Montréal, de Gazette, esti, tous les calistes de médias à Montréal. Ouais, mais toi, c'est quoi, là, les goalers, toi, c'est quoi le problème, là? À Montréal, le problème, il y en a un. Non, non, attends un peu. L'affaire avec le trade, c'est quoi? Il est allé chercher Scriven. Le trade, c'est parce que dans le fond, c'est comme... Non, mais c'est contre Cation en plus. C'est comme, dans le fond, t'es en période de crise. Bergevin, ça va compter des jokes aux gars pour leur monter le moral en espérant que ça va remonter le club. Puis il va chercher un goaler parce que son coach a crié à l'aide. Je veux un gardien. Voyons donc. C'est ça qui est analysé aussi par des experts qui sont payés 100 000 par année. Ça, c'est le salaire de Renault en passant. Excuse, peux-tu nommer un nom, là, quelqu'un qui gagne ça? Brian Wilde, Pat Hickey, toutes les autres caves qui jouent dans le champ. Hockey News, non, c'est pas ça? The Hockey News, ben, je sais pas. Ouais, Pat est absolument fan. Toutes les tabarnak de journalistes, ils ont tous dit la même calisse d'affaires. T'as rien à blâmer ces gardiens de but. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait de Bergevin? Hey, toutes les astuces journalistes de Toronto, man, vendu. Pas de Toronto, de Montréal, sacrément. Toronto... Oh, mais faut pas que t'es écoutes, eux autres. Tu vois bien qu'ils disent de la merde. Je sais qu'ils disent de la merde. Toi, t'aimes mieux la presse anglophone qu'à francophone. Tu bitches contre toute la presse francophone, mais la presse anglophone, toi, t'es comme... Waouh. Ben non, mais si t'es écoutes, tu capoterais plus. Eux autres, ils veulent avoir la tête à Terrien, là. C'est incroyable. Ah, les anglos. C'était fort, ce sifflet-là. Ben, bon, Terrien, ça s'en vient tout, là. Je propose qu'on passe à l'autre dernier trade qui est Tokarski contre Friberg. Oh, sacrément! Non, mais un autre petit cul, Chris. Mais ça fait quand même trois trades qui servent fuck off. Il y en a un, je pense que c'est toi, Jeff, qui a sorti un esti de bonne passe sur l'affaire de son front, que son front était... Non, c'est Jeff, je pense. Non, il y a le front volontaire. Il y a le front volontaire. Ben, il a voulu... Il a c'est voulu, toi, ça. Il a un gros gros front. Jeff a dit, hey, Friberg, il y a un méchant en front, ses cheveux sont rouges. Genre, il y a le front volontaire. Mais d'après moi, il a voulu aller rechercher Sébastien Kolberg d'une autre façon. Il a été chercher Friberg. Ouais, mais Friberg, là, dans le fond, c'est drôle parce que, justement, à Radio Anglophone, un matin, il disait... Bon, il est pas de même gars, man. Parce qu'il y a un gars qui fait des... Jeff écoute toutes les stations en même temps. Ben, dans le fond, je me renseigne pour pouvoir mieux renseigner nos auditeurs. On est là pour vous informer ici et vous éduquer. Mais oui, parce que dans le fond, on n'est pas là pour vous aider. La TVA Sport, c'est de la merde. Fait que dans le fond, là, ils ont dit, TVA Sport, là. Il y a un gars qui fait des blogs à la mise au jeu. Tu sais, les mises au jeu, c'est quand tu gages. Fait que là, il a dit, OK, merci, ça serait quoi les odds de voir Marc Friberg jouer une game avec le Canadien de Montréal? Asti, la cote, là, si quelqu'un dit il va jouer une game à Montréal, il devient millionnaire demain matin. Il n'en jouera pas une calisse de game. Dans le fond, là, même qu'eux autres, ils ont comme conspiré, ils ont dit peut-être qu'ils étaient chercher un gars pour la Ligue américaine parce que Bergevin il est prêt à donner un jeune pour d'autres choses. Je vous laisse là-dessus. Sors du studio, GF. Calvaire. Drop the mic. Tu viens de partir sur TVA Sport ou non, pas de suite. Non, OK, pas de suite. Vous êtes pas prêts. Est-ce qu'on fait un retour sur la classique hivernale? Avez-vous écouté la game? Je pense qu'on s'est tous calés. C'était une bonne game. Hey, ça, c'était une belle classique. Quand Don était solide dans tabarnak, tu peux pas charler. La game en tant que telle était très, très bonne. La fausse neige avec des draps, c'est dégueulasse en esti, ça. La belle Watt. Faites pas ça, s'il vous plaît. La Watt dans l'Ouest. C'est pour le show. Faut dire une affaire TVA Sport là-dessus. Vous collez des hosties de collants sur des yeux tout croche. Vous avez l'air d'une gang d'attardés. Ah oui, y avait-tu de l'air, mon gars? On va se mettre des collants. Puis en plus, genre, tout croche des yeux. Je sais pas si c'est la lime ou l'autre hostie de colon, là, mais il y en avait un moment donné qui en avait juste comme un. Il s'en est comme collé un, puis ils ont continué à parler. Je pense que c'est la lime, puis l'autre est comme tout croche en plus. Puis là, ils font juste rire comme j'ai un sticker en dessous de l'œil, puis j'ai l'air d'un tatan, man. Il a aussi collé un but qui n'était pas un but, à un moment donné. Ah ouais, oui, ouais. Il a dit je me suis emporté, là. La gourde, il a dit que la gourde a popé, genre. La gourde a bougé. Ah, mais lui, sérieusement, il n'est pas solide, par exemple. C'est gay. Qui ça? Ouais. Séguin, ben. Il est pas très très solide. Séguin, ben la lime non plus. Ben la lime non plus, ouais, c'est pas un bon duo. En fait, c'est un duo de caca, là. Ben, ils font le possible. Ben non, c'est les gars font le possible. Puis, On termine la période sur un call-out. Avec un call-out. C'est même pas ma lèvre en plus. Vous autres, mes tabarnak de TVA Sport, à marre d'Esti que vous êtes une gang d'incompétents. Je ne peux pas croire, Esti, qu'ils ont encore des jobs, ces Esti-là. Premièrement, là, tu m'as parti, parce que là, je me contenais, là, mais l'affaire des patchs en dessous des yeux, ben tabarnak, tu m'y instues, calice, dans l'avant-match. Les deux Esti de sans-dessin, on va mettre des stickers comme les joueurs. Ils se calissent ça tout croche dans la face, comme ils ont l'air de deux Esti d'imbéciles. Chris, vous êtes des journalistes. vous avez le monopole, là, c'est rendu TVA Sport, le diffuseur officiel, puis vous avez l'air de deux calices de crétins. Puis en plus de ça, ce qui me fait le plus mettre en tabarnak, c'est qu'ils sont pas capables de parler français, les deux astis sans dessin. Hey, assisez-vous bien, les amis, regardez l'arrêt. Assisez-vous, calice! Qu'est-ce que tu dis là? La lime, ça. La lime, assisez-vous, regardez l'arrêt. Ah, mais c'est ça, des journalistes, man. Hey, on te paye pour décrire le hockey. T'es pas capable de fucking parler français. Marc Denis, il est fucking bon. Ouais, mais Marc Denis, c'était un autiste, là. C'était genre un polyoute de la langue, mon gars. Il est juste Chris, il sait juste parler français. Ah, mais il est écœurant, je veux dire. En tout cas, s'il aurait arrêté le rondelle, ta gueule! Asti, tu. Chris, accorde tes verbes, tes. Mais moi, ça. Quand qui joue au hockey de même, je trouve ça vraiment. Non, mais c'est un chien, quand tu sais. Je peux pas croire que tu passes à la TV et que tu parles comme ça, c'est inacceptable. Marc Denis, sérieusement, c'est un Asperger. Nuance. Non, mais c'est pas pour insulter Marc Denis, pas vrai, mais c'est parce que ce gars-là, il est vraiment très intelligent, ça paraît. C'est un asperge tout court. C'est comme l'ancien focus. Mais c'est l'ancien joueur. Mais moi, là, pour continuer dans ton call-out, là. Ils ont fait un esti de stats de merde de combien ça prenait de hot dog, de saucisses. Ah, mais c'est normal. Ah, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. T'écoutes du hockey, si t'écoutes pas un show de recette. Je le sais, mais ça a toujours été le même dans le hockey. Puis Pierre Wood faisait par ma paix, puis il a gagné son show de formulaire. Juste parce que. C'est quoi son esti nom, commentateur? Félix Séguin. Juste parce qu'il n'y a pas de saucisses entre les deux jambes qui colle. Il monte grand, il nous apprend 2000 saucisses. Ah, mais c'est pas. Il y avait une infographie. Ken, ça nous prend 15 000 saucisses. 2000 livres de clam chowder pour la classique. Ouais, mais tabarnak, c'est un mais des... il parle de il... Ça, on mais donne-moi des stats d'hockey. Je sais mais ça c'est comme un mal nécessaire. Et puis Renaud Lavoie, le spécialiste de la glace. Oh, la glace, elle est froide aujourd'hui. Elle est parfaite. Ta gueule, esti, des calices. C'est de la glace. Le spécialiste de la glace, la glace est froide. Non, mais TVA Sport, c'est pour tout. T'as-tu du pied, Colin? Moi, je trouve le pire de TVA Sport, pour vrai, c'est tout comment qu'ils veulent se plugger, comment que le show est hosté. Ouais, mais c'est dégueulasse. C'est tout comme... C'est une mise en jeu historique. Non, c'est pas historique, c'est une mise en jeu, man. Non, c'est pas une mise en jeu historique, c'est une mise en jeu historique sur les ondes de TVA Sport, man. Non, mais c'est ça, c'est tout comment, là, c'est tout leur placement de produits, c'est tout comment qu'ils pluguent les affaires. C'est ça qui est terrible, puis sérieusement. On le sait qu'on de TVA Sport, on n'a pas le choix, on écoute votre marde. On est obligé de payer pour votre calice de poste de marde, Chris. Le show est trop gros pour ce duo-là. Ah, oh, carrément, là. Mais moi, hey, sérieusement, je pense, là. Mark, je vais dire plus gros que ça. Le show est trop gros pour cet hostie de poste de marde, là, man. Non, mais je te dis, mais un bon commentateur, un super bon analyste. Tu viens de changer après ça tu vas arriver entre les périodes puis tu vas retomber avec l'autre esti de mange-marde. Tu vas retomber avec Bergeron puis Théodore, esti. Ben Théodore, il était tuyette. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il. C'est un autre style d'illettré, ce calliste. TVA Sport, il essaie de faire ça comme trop big. Puis ils ont pas le staff. Brisebois, man. Brisebois, il est pas capable de placer deux mots en arrière de l'autre. Il dit oh, j'étais fier de jouer devant beaucoup de monde. Il voulait dire 67 000, j'imagine, mais. Bye-bye, l'imitation de Brisebois. Ah, c'était bon, man. Succulent. Honnêtement, le bye-bye, pour moi, ça se résume à ça. C'est comme meilleur segment du bye-bye. C'est le seul bout que j'ai vu, puis j'étais crampé. C'est le seul bout que j'ai vraiment ri. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas eu d'exagération dans le segment. Non, c'était pareil. C'était identique. Iberge, il était écœurant, man. Avec le gros en direct, hostie. Arrêtez pas de m'aimer! Le gros en direct. On en parlera dans la jasette numéro 40 qu'on aura juste après de ça. Les chimés, mon mec. OK, fait que là, il y a comme un temps mort. Allô? L'appareil est fini. L'appareil est fini. On passe à 3. J'ai plus de game. Non, mais j'avais une affaire que j'avais ici. Bande de cave. Cette semaine, Terrien a dit que Emeline jouait avec un pied fracturé depuis 2 à 3 semaines. Ben, fuck you! On s'en calisse! Non, mais jouer avec un d'autre, esti, il y a un pied cassé! Ils ont trois d'autres défenseurs, esti, qui se crossent dans les estrades. Pourquoi qu'ils ne veulent pas jouer? Ah ouais, hey, t'as Pallorin, calisse! Embarque-moi, Pallorin! Y a Tinordi? Tinordi. Non, mais dans cette revue-là, par exemple, c'était vraiment drôle parce que Terrien, il a dit, bon, c'est sûr qu'Emeline, quand il est revenu, on l'a mis à droite, ça s'est pas bien passé, puis il est parti arrêter, puis il arrêtait plus de rire, Terrien. Il dit, faut que je garde mon sérieux, puis il riait dans Emeline, là. Non, mais on est-tu bien sans Gilbert, par exemple? Ouais, oh, on serait bien sans Heller aussi. Tabarnak. Ouais, ben ouais. Bargerio, vraiment. Que là, ça. Heller, il n'a pas de main. Ouais. Heller, il n'a pas de main, mais pour driver le puck, il n'est pas payé, par exemple. Ouf. Oh, oui, non. Quel joueur, c'est comment tu dis ça, toi? Est-ce qu'il est plat? Non, mais pour driver le puck. Heller, il est. Heller, il n'a pas peur d'aller sur le bord de la bande. Heller, là, il est. Il fait juste ça, c'est le bord de la bande. Il est constant, Heller. Il va aller vers une saison de moins de 30 points encore. Heller, il est constant. Heller, il est constant tout le temps en poche. Chapeau. Chapeau. Chapiteau. LR. Alors, bon, on fait un entrain. Hey, Heller, il est constant. Il nous déçoit à chaque année. Chabada. C'est ça. C'est pour ça que Galchenyuk joue pas bien puis il garde le puck parce qu'il sait que ses hosties de PD sont pas capables de la pogner. Ses hosties de pause. Pause, quoi. Mais non, je t'en ai, tabarnak. On a besoin de bière. Entraque, bière et on vive la troisième période. Jean-François, t'as soif. Entraque, bière, mais tabarnak. Les gars, ça a vu quoi? On est retour pour la troisième période. All right. Yeah. Holy shit. Ça vous êtes surpris là, hein? Et c'est maintenant le temps check, de faire two. Le Allez, tour de la Ligue nationale. Voilà, il vient de faire un spill, esti. Bon, ben c'est un petit mini-spill. Mark a fait un petit comshot sur la table. Avec ses trois bières ouvertes devant lui. Ben justement, on a un bon filon entre les deux zones, là, la zone tampon et le Canadien. On parlait de Jonathan Drouin parce que c'est ce qui se passe fuck en ce moment. Fuck you, Drouin! Ah, je le sais pas. Est-ce que... Non, je veux rien savoir. Drouin serait un bon fit à Montréal. Non, ouais, puis... Expliquez-moi non, ça. Non, je vais dire non. Je vais dire non, puis de toute façon, je vais dire comme Alex Galipo, ils l'enverront pas dans l'Est. Ben non, ben, pas, c'est moi qui ai dit ça. Pourquoi? Il est pas prêt? Hein? Non, ah, c'est moi qui ai dit ça. C'est fini Alex... ce temps-là depuis d'échange. Ah, j'ai dit la même de toute façon, non, moi je le prendrais pas parce que il est pas assez gros, man. Puis sais-tu quoi? Ouais, mais il est talentueux. Ouais, mais il est talentueux en hostie. Man, j'étais curieux d'avoir des hostie. Il était pas dans la Ligue américaine, lui, là? Ben, ils l'ont chupé dans la Ligue américaine. Genre quatrième ligne. OK, mais... Première ligne. Ça allait pas bien avec le coach. Mais c'est pas. C'est ouais, le coach, puis pas avec ça. C'est pas évident là-bas, ils ont des joueurs. Ah, mais hey, tu vas donner quoi pour aller chercher Drouin, man? C'est Galchenyuk. Moi, je comparais Drouin au cas Carl Tourist. Je le ferai pas. C'est un hostie de coup de dé, man. Les deux, c'est la même chose. Non, de l'année différente. T'as-tu dit Galchenyuk pour Drouin, toi, là? Les deux ont été repêchés, genre troisième, je pense. C'est un hostie de coup de dé, ouais. Troisième. Moi, j'oserais pas. Pas c'est deux, troisième choix. C'est parce que dans le fond, mettons, si je recule en arrière, là, Carl Tourist, il a vécu à peu près la même situation que. Tu Drouin. Recules jamais en avant, là. Faut que tu recules en arrière, là. C'est, ouais, c'est genre reculer. C'est parce que quand il jouait dans le junior, des fois, il jouait avec... en haut, mais c'est très rare. C'est parce que quand il jouait dans le junior, il jouait avec McKinnon et tout. Une discussion à la fois. Un lapsus. Ok, c'est bon, on va continuer là-dessus. Si on compare le prix que Carl Tourist, dans le fond, a coûté pour Ottawa. Ottawa. Ça se prononce, ici. J'ai comme entendu mon père quand il disait Ottawa. Ottawa. Pour moi, ça sonnait Ottawa. Normal. En tout cas, c'est pour ça que t'es bizarre un peu. Ben Bishop, il joue à Ottawa. OK? Jugez-le pas, là. Soyez sérieux, aussi. Là. Non, je vais être mêlé. Soyez sérieux. Okay? Anderson, il joue à Tampa. On va être sérieux, mais arrête de dire Ottawa. C'est un hispanique, là. En tout cas, ouais, c'est ça. Ottawa échange Ben Bishop. OK, continue, hostie. Ben Bishop. Ça a coûté Ben Bishop à Ottawa. Ottawa. À l'Arizona pour Carl Tourist. C'était ça le prix qu'on payait à peu près, mais sans si ma mémoire est bonne. Fait que dans le fond, là. Il y avait pas quelqu'un de Glendo là-dedans. Glendo! Ben Glendo, est-ce Glendo, bro. Non, Glendo. Ben Bishop. Hey, Glendo, moi le sac. Ok, là, continue. On s'entend-tu que Glendo, ils ont sorti un esti joueur à moi, je pense que pour payer Drouin, pour les équipes, mettons, là, ça serait peut-être un jeune prospect similaire ou peut-être un petit package deal. Attends, là, tu parles d'un third pick, là. Faut que t'aies donné quoi d'intention, ça. Un third pick qui n'a pas encore fait ses preuves dans la Ligue nationale. Il a un excellent potentiel, mais il n'a pas fait ses preuves. Qu'est-ce que tu viens de dire? Drouin contre un third pick? Non, j'ai c'est dit un third pick. Contre un joueur similaire ou un package. Ouais, mais c'est quoi ton package? Ben, d'après moi, mais t'sais, un third, sérieusement, Drouin, là, c'est prospect en hostie comme joueur. Là. Ouais, mais c'est ça l'affaire qui arrive. Sauf que là, le problème de Tampa Bay, c'est que Alan Walsh a déclaré « Mon client veut se faire échanger ». Fait que ouais, c'est 29... pas Drouin qui l'a demandé. C'est Drouin qui l'a demandé. Non, parce non, ouais, non, t'as peu. Non, Drouin, il aurait jamais sorti des médias dire « Je vais être tradé ». C'est son agent qui a ouais, sorti à place. Puis je pense pas sûr que Drouin était vraiment au courant, c'est là que tu serais surpris parce que j'ai enquêté. Puis Alan Walsh, c'est pas pour un joueur qui fait ça. Oh, Jeff Angelic. J'ai enquêté là-dessus. Walsh, c'est pas la première fois qu'il fait ça, qu'il parle pour ses clients. Il y a eu un commentaire de Martin Avlat, qui est souvent à Montréal, puis que son agent, ça donne que c'est Alan Walsh. Il a déclaré, il a dit, parce qu'ils ont dit, Alan Walsh est spécial, hein, il fait souvent des niaiseries, puis tout ça, puis il dit. Il fait tout le temps ça, quand ouais, il y a des affaires. Puis là, c'était intéressant ce que Martin Avlat avait dit. Fait des niaiseries, c'est un niaiseux. Pensez-vous vraiment que Alan fait des choses sans notre appropriation? Il a dit, tout ce que Alan fait, c'est parce qu'on est d'accord. Ouais, fait que c'est Drouin qui a demandé à Alan Walsh de s'ouvrir la trappe sur Twitter. Ouais, mais après ça, c'est facile à dire pour le joueur. Mais moi, ouais, j'ai pas dit ça. Là, tu backs ton agent, il l'a jamais dénié. Il l'a jamais dénié. C'est tout ça le mot. Il l'a jamais dénié. Il l'a jamais renié. Drouin, il l'a jamais dénié. Jeff serait bon à TVA. Son nom, c'est pas son nom, c'est pas Denis. Il l'a jamais baigné, OK? Non. En tout cas, ce qui arrive, c'est que t'as pardon que je comme je sais plus quoi dire. OK, mais on va. Dans le doute, dis Ottawa. Ottawa. Non, mais c'est ça qui tu ferais-tu le trade à Montréal? Oui, oui, parce qu'à Montréal. Attendez, je le ferais, mais ça devrait être un lieu. On va faire un tour de table. Justement, c'est ce que j'allais dire. Je veux faire un tour de table. Le prenez-vous à Montréal, Drouin, oui ou non? Vas-y, GF. Non, mais attends, mais pas juste oui ou non, parce que oui, tout le monde va prendre. Non, mais argumenter. Contre mais... qui? Avec qui tu l'échanges? C'est ça l'affaire. Si oui, qui tu... il est là le gros Chris de deal. Vas-y, GF. Vas-y en premier. Moi, je le prendrai à Montréal parce que c'est un jeune Québécois, puis on ne peut pas se permettre de ne pas tâter le terrain. Moi, j'offrirais Nathan Beaulieu, Nikita Sherbak. Je les noms qu'il a sortis tantôt. Il a dit Nikita Sherbak. C'est son prénom que Nikita ou c'est Kita? Non, c'est Nikita, mais tu veux dire Kita et tout. Nikita, c'est un nom de fille, Calis. Makita. Mais moi, ça serait mon offre. Ça serait mon offre. Mark, Sherbak, puis qui? Sherbak, Beaulieu, et un choix de deuxième ronde. OK, mais j'avais pas compris le choix de deuxième ronde. Mart, vas-y. Tu le prends ou tu le prends pas, Drouin? Puis si tu le prends contre qui? Ouais, je le prends, Drouin. Je le prends dans le cul. Je le prends par en avant. Puis par non, en mais sérieux. Laissez-le parler. Si vous êtes con, man. J'ai comme plus de crédibilité là-dedans. C'est pas vrai que c'est la merde, c'est eux autres. Ok, anyways. Par en avant, par en arrière. Ben, hey, c'est-tu quoi, gang? Gagne ways, les gars. Non, mais moi, je sais pas. Je sais pas qui est straight contre ça. Pour vrai, ça va coûter cher, Drouin. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Bah, ça va coûter cher. Puis ici, tu as le trade. Ils vont te trader. Ça va être une long shot. Tu n'auras pas le choix si tu vas trader un gars comme Galchenyuk ou quelqu'un qui est à l'attaque qui est prêt. Parce que Drouin, il est prêt pour la NHL. Ben c'est juste qu'il n'y a pas eu. Ligue américaine. Ben oui, parce que ça marchait pas avec. Attends, Jeff, sérieux. Sérieusement, écoute. Ça n'aide pas ton. C'est Mark Boy là. Il joue dans l'équipe. Ils sont à côté d'un strap en attaque, man. Ils ont Tyler Johnson, ils ont Palat, ils ont Stamkos. Gars, ça n'arrête plus, man. Ouais, mais c'est parce que Phil Poula, il n'a pas d'affaire sa première ligne à Tampa Bay. Tampa Bay, présentement, ils ne font même pas les séries. Ouais, parce que si Tyre Johnson n'est pas là, il vient de revenir. Non, parce et que Palette n'est pas là pour un colis de bout. Coupo Chupa, là, excuse-moi, mais je pense qu'il n'aime pas ça, des joueurs de talent. Puis moi, là, je souhaite de tout cœur que Stamkos et Drouin crissent leur camp de là, puis que Tampa Bay et Eisenman ont de la cave. En tout cas. OK, mais Dave, tu le fais pas, toi, quand. Moi, je dirais ça va coûter une affaire comme Galchenyuk. Dave, toi, tu le prends ou pas, Drouin? Regarde, moi, je vais dire. Puis je suis pas sûr que je le fais. Dave, il pose la question. Moi, ma réponse est en deux temps. Bon, okay, premier bon. Temps. Attends, non, mais tu vas comprendre, Esti. Tu vas comprendre. Une Esti réponse politique encore. Non, je le prends, Drouin, oui, mais le problème, c'est que non, je le prends pas parce que je pense tu vas avoir besoin de te débarrasser de trop gros pour la. Parce que fait non, que tu le prends pas. Non, je le prends pas. C'est pas oui, là. C'est... Ben, c'est une réponse deux temps. Mais ben, t'as dit oui, puis non. Ouais, mais on sait pas c'est quoi ta réponse, finalement. C'est non, finalement. C'est non, finalement. Parce que. Je vais expliquer pourquoi. Parce que je pense pas que tu vas aller chercher un Drouin avec un Sherbak puis un Nathan Beaulieu. C'est ça. Puis t'es pas prêt à te départir de Galchenyuk pour faire. Puis je suis pas prêt à me débarrasser d'un gars comme Galchenyuk parce que je trouve que c'est un esti de gros coup de dé. Galchenyuk, c'est notre seule valeur. C'est notre seule valeur. C'est notre seule assiette. C'est notre seule Valium. C'est notre seule dormir en esti. C'est notre seule assiette. Comme toi et Valium. Je l'aime pas. Si Bergevin va chercher Drouin, je me sers au Jameson au podcast. Au Jameson! Le prince. Hey, mets tes dents, mallette. Mon monsieur là, Ottawa. Vas-y, Alexandre. Je vais aller voir une game à Ottawa. Ouais, je trouverais ça drôle. Ottawa. Moi, je le fais pas pour deux raisons, ce trade-là. Bon. Parce que, premièrement, ce kid-là. Vous, c'est drôle, c'est ça. C'est quoi ton deuxième point, Esti, avant que je dise mon point? Commence par ta première idée. C'est drôle parce que ça fait 15 fois que tu demandes de le dire. Enchaîne, connasse. Ah ouais, mais je vais enchaîner si tu fermes ta calice de gueule. Shoot! Bon, premièrement, de première chose. Ferme ta gueule. Ouais, premièrement, ferme ta gueule. Fuck, man. Ouais, vas-y, man. Je vais sauter par la salle. Mais fermez ton micro. On fait pas ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Tabarnak. Tu parles de Drouin. Moi, tu le trade pas. Moi, le femme tailleur, je suis pas capable. Je le trade pas parce que, premièrement, ce kid-là va arriver à Montréal, il va avoir trop de pression, il va te choquer. Deuxièmement, ce que tu vas avoir besoin pour trader ça, c'est. Ça, c'est vrai, par exemple. En fait, c'est que. Tu sais, Tempo, on le sait, tout là, son lot dans l'attaque. Je pense pas qu'ils ont besoin d'un Galchenyuk. Je pense pas qu'ils ont besoin d'un Sherbak. Ils ont besoin d'un défenseur. Puis on est à chier en défense. Fait que tu donnes rien en défense parce qu'on est déjà esti qu'on est poche en défensive. Même pas Beaulieu, donnerais... là. Ben Beaulieu, il vaut crissement pas. Tu sais, il faudrait que tu donnes esti. Souvent, c'est trop. Genre Beaulieu, Markov, là. Markov, ça ne dérangerait pas, moi. Beaulieu, Markov. Ah, mais ils iront pas chercher Sherbak. Ouais, de toute façon, Bergevin n'est pas capable de faire des échanges. Fait que je trouve que c'est peut-être trop pour la pression que ça va lui donner. Mais c'est un esti de bon joueur, puis il va être excellent n'importe où qu'il va jouer. Il faudrait qu'il l'essaie dans NHL 2016 avant, voir. Ouais, peut-être. Ouais, mais c'est parce que Bergevin sait pas c'est quoi le bouton pour allumer le PlayStation 4. Mais Drouin, je le compare à un. C'est même pas un bouton, c'est comme un sensor. Ouais. C'est pas sensuel à Bergevin, c'est pas c'est quoi. Non, il va savoir son anglais, c'est un temps anglophone. Ouais. Bon, ok, on passe à l'autre sujet. Le Cavalier changé aux Kings de Los Angeles. Sous condition qu'il prend sa retraite à la fin de la saison. Ouais, il prend sa retraite officiellement. C'est-tu une condition? Oui, parce que sinon les Kings sont pris avec son salaire et ils voulaient pas avoir son salaire parce qu'il Lui, il voulait juste sortir de Philadelphie, c'est dégueulasse. Ouais, puis s'en va c'est sa dernière année. Va-tu jouer officiellement? Ouais, ben, il a joué hier, après 9 minutes et quelques, puis il a bien paru. Il est bien paru. Ouais. Ben, ça, c'est les Kings qui vont aller chercher un gars de playoff. S'il peut aller, genre, finir sa carrière en beauté, bon. Il va se faire moins intimider qu'à Affleck. Moi, je suis content pour les Kings. Lui, dans le fond, il a fait quelque chose qui l'arrange, c'est sauver la face. Ah, mais lui, il est pas la retraite. Il est puis on s'entend-tu qu'Extall, il voulait rien savoir de le Cavalier. Ben, c'est une fin de carrière en queue de poisson, pareil. Extall, il a inventé une blessure à le Cavalier. Il a dit aux médias à Philadelphie que le Cavalier était blessé au dos. Puis le Cavalier, il a carrément dit aux journalistes de la presse. Que c'est un menteur. Qu'il a dit, ben voyons donc, c'est parce que si je manque de synchronisme, parce que je joue pas assez, j'ai dit pas de problème de dos. Ouais, mais là, la guerre était ouverte entre les deux. Il a touché son dos. Ouais, mais Ron Extall, c'est parce que Ron Extall, c'est un crise de pété dans la tête. Ouais. Puis le Cavalier, lui et tout, c'est un hostie de sauter dans le barquette, là. Ah, fait ouais? Que ces deux-là, ben oui, Chris, t'as déjà vu le Cavalier se battre, toi? Ouais, ouais. Ben, c'est pas comme un homme. Hein. C'est un hostie de machine, man, ce gars-là. Mais lui, là, d'après moi, quand il est en tabarnak, c'est comme mets-toi pas dans mon chemin, man, parce que ça va mal à l'angle. Ben, ça, c'est une bonne affaire parce que le Cavalier, il jouait pas à Philly, puis là, il va être correct. Alors, c'est un hostie de joueur de caractère. Ben, il s'en va aux Kings, puis les Kings, encore là, sont armés pour tuer en playoff, puis encore plus. Ils sont gros. Il y a une belle structure. Moi, j'adore le Cavalier. J'adore ça. Les Kings sont encore favoris. Le Cavalier, quand il se bat, là. C'est 3 peut-être. Ouais. Man, c'est 4. Beef, man. Le Cavalier, quand il se boit, il graffine. Non, tabarnak, c'est pas ses mines. Il pas, il pète. Le Cavalier, non, le Cavalier est en tabarnak. Quand il se boit, c'est rare qu'il se boit. Son dernier combat qu'il a fait, c'est fait péter à gueule solide par un gars de Washington. Prochain sujet, les gars, parlant straight out of Compton, parlant de grosses échanges qui se font plus dans la Ligue nationale, Ryan Johansson au Prédateur, retour de Seth Jones. Ah, mais ça, là, attends un peu. Ils sont croisés à l'aéroport. À Columbus. Mais ça, honnêtement. Hey, c'était un beau trade. Ça, c'est un échange d'un besoin pour un besoin. Ouais. C'est exact. Puis ça. C'est normal, ce genre d'échange-là. Oui. Ça existe, ces échanges-là. Ah oui, ouais, ben, ça existe, c'est rare, pareil. C'est vrai que c'est rare. On voit plus de c'est vrai que c'est rare, mais quand tu as un besoin d'une équipe, tu as un besoin dans une autre équipe puis que tu t'entends, ben c'est change pour change là, parce que moi j'ai besoin d'un attaquant, toi t'as besoin d'un défenseur de relève. Tu vas chercher chacun, genre tu Columbus, pallies à ton là, présentement Columbus là, il cherche pas à faire genre des miracles. Ouais, Columbus cherche à bâtir pour la jeunesse en n'importe arrière. Quelle équipe, les autres ils vont se battre pour avoir le premier choix au prochain repêchage, fait qu'ils vont le repêcher leur joueur de centre avec Ashton Matthews qui vient d'Ottawa. N'importe quelle équipe qui rajoute Seth Jones dans son équipe, man, c'est comme wow. Ouais, Johansson, Johansson, je l'aurais pris en esti. Ouais. Ça a l'air que Bergevin travaillait fort pour aller le chercher. Ça doit. Mais ça aurait coûté Galchenyuk et tout. Avez-vous entendu la rumeur? Avez-vous entendu la rumeur que l'été passé, je pense, ça a l'air que Bergevin avait conclu une entente avec Saint-Louis. Ouais, pour Backes. Contre Plekanec. Ouais. Ça s'est pas passé parce que Backes, il a pas voulu lever sa clause de non-échange pour venir à Montréal. Ouais, ben ça, c'est dans les coulisses qu'il a sorti ça. Je l'ai vu. D'habitude, là, ce genre d'affaires-là, quand ça sort pareil, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je crée tout le temps un peu le petit fond de vérité. Comme la même affaire, Asti, que Shanahan, dans le temps, a fait un tour en hélicoptère ici. Asti, fuck la trade. Prochain sujet, il y a Mike Richards qui a signé un contrat. Il a vu le Cusium, il a fait Asti. C'est bien trop laid, c'est bon. Fuck shit, ouais. Il a vu à Five Rolls. C'est pas fini, il y a bien trop de couleurs là-dessus, Asti. Il y a Mike Richards qui a signé un contrat d'un an avec le Washington. Ouais, c'est ça. Mike Richards, cocaine. C'est weird. C'est vraiment bizarre. Son procès n'a pas commencé. Ils ont-tu besoin de ça pour vrai? Là? C'est un procès pourquoi? Washington, déjà, lui. Les Capitals n'ont pas besoin de traverser la poudre. Non, ça, c'est une esti distraction pour Washington. Ben oui. Moi. En plus, ils sont vraiment dans le top. Ils sont en feu, Washington. Ils ont vraiment pas besoin. Ouais, puis c'est pas comme s'il y avait des blessés. Ouais, mais ils se demandent sa patinoire, lui, pareil. Ils sont solides. Ben, c'est un esti de joueur de playoff. Ouais, Richard, ils se demandent sa patinoire, mais c'est en dehors que ça fait chier. Ils sont en train de s'armer pour gagner la coupe. Ouais, sérieux. Ils ont toutes les assiettes. Exactement. Ils ont même allé, je te dirais, le problème, c'est que l'assiette est sale encore lisse, man. Mais non, le pire, c'est que elle est pleine de pâtes. Ouais, mais c'est ça, elle est pleine de patates, pleine de steak, man, tout ça. Ah, mais t'as besoin de protéines, justement, pas juste des patates. Il y a du rubber, man. C'est avec des acides féculents, man. Je sais même pas c'est quoi des féculents, man. Alexandre s'est étouffé dans sa bière. Ah, des patates puis du riz, genre. Du pain, du riz, tout des patates. Tout ce qui contient du gluten, là. La prochaine gorgée va être toutes bonne. Toutes les pains, man. C'est toutes des féculents. Ah ouais, j'ai déjà entendu les filles parler de ça. Les pains. Mike pas t'en manges. Les patates. Prochaine nouvelle, around the NHL. Non, faut t'en manger plein, là, tu m'approche au biscuit, les pains. Le seul féculent que tu peux manger, c'est un pain. Je prenais pas une autre gorgée. Ma prochaine nouvelle, c'est marqué rumeur de mal en parenthèse. Ça a l'air que Zach Cashin aurait perdu son portefeuille à sortir d'un bar. Ouais. Quand? Ça, c'est JF qui écrit ça, là, c'est dans les Run the NHL. Au 91-9. Oh, c'est JC. Moi, j'ai une requête. On peut s'en venir de Zach Cashin, cher. Mais c'est lui, là. Il décolle ici. Non, mais la raison pour laquelle j'en parle, dans le fond, c'est parce que j'ai trouvé ça hilarant. Puis voyons donc, parce que juste pour compter l'histoire, là. Puis, ouais, le gars qui a trouvé son portefeuille. Il a appelé un journaliste. Eh oui. Voyons donc. Ben t'sais. Oui, toi. Hey man, toi, si tu trouves le portefeuille de Galchenyuk, tu vas-tu appeler un journaliste? Ben non, je vais le garder. Ben tu vas prendre le 800 millions de dollars que t'as là, là c'est ça, il a raison. Hey, mais t'appelles pas. Hey, monsieur. Non, mais tu t'en vas. Monsieur Renaud Lavoie, qui a une carte de crédit avec PayPal. Mais c'est le fun que tu parles de Renaud Lavoie, justement. Parce que le prochain sujet, c'est lui. Ça a l'air que Renaud Lavoie serait parmi les personnes les plus influentes du hockey. Qui mange de la marde? Devant Bob McKenzie, hey, Pierre Lebrun. Il a checké si la glace est froide. Darren Dreger, selon Hockey News. Puis il y a une crosse là-dedans. Hein? Quoi? Hashtag on s'en calisse. Hockey News a été acheté par Québécois. Ah ouais? Fait qu'ils ont mis leur... Hockey News, ça doit être acheté par Rogers. Pourtant, c'est Toronto, genre Hockey News. Ben, c'est Québécois qui a acheté. Ouais, mais attends, le Québécois, genre, a des assiettes, genre, dans l'Ouest canadien. Mike Rogers, puis tout ça. Sun, ça appartient à Québécois. Gros, tabarnak. Québécois, ils sont associés avec Rogers. Non. Sun, ça appartient à Québécois. Okay, Sun Media, Sun TV, Sun... Sun Media, là. Sun Media. Sun Media, là. Puis, ah, j'aurais pensé que ça aurait été, marre, genre, là. Comme... Rogers qui a racheté ça, c'est ça, parce que les autres sont pro-Toronto, c'est basé à Toronto, Hockey News. Hockey News, ouais. C'est ça, puis ils ont pris la peine de nommer Renaud Lavoie avant de Bob McKenzie puis Darren Dreger. Mais Renaud Lavoie, Chris, il est plugué, le gars, là, pareil. Il tweet bilingue, il connaît la glace. Écoute, tu sais, c'est parce que toi, t'aimes pas ses tweets, puis toi, tu bitches. Parce que toi, tu bitches tout. Mais il tweet bilingue. C'est parce que toi, ma lettre, tu bitches tout ce qui est au Québec, dans le fond. pas nécessairement. Tout ça. Ben, Chris, qui sait, tu bitches pas au Québec, man. Ben oui, tu bitches tout le monde. Ben ouais, Danny Dubé. C'est ça. Mais Danny Dubé, c'est même pas un columniste, man. Il écrit pas. Non, c'est ça. C'est un analyste. Un columniste que j'apprécie à mort. Ben, il y en a pas. Toi, tu vas checker comme Freeman, je sais pas qui, puis genre Elliott. Elliott Freeman, c'est un assistant. Pierre-Elliott Trudeau. Pierre-Elliott Trudeau, genre Janine Souto, genre. Non, non, mais Chris, sérieusement, toutes les autres. Deuxième, eux autres, Pierre Lebrun, McKenzie, tu leur donnes toute la crédibilité du monde. Puis, c'est un monde-là, là, c'est du quoi? Ils s'échangent toutes les mêmes infos. Pierre-Éliott Trudeau. Parce qu'un gars, un gars qui est comme ben informé, je veux dire, ils vendent tout le punch anyway sur Twitter et tout ça. Ils connaissent tout le shit, là, tout pis le monde. Ils se citent toutes. Ben oui, man. Pis la source initiale, on sait jamais de qui qu'elle vient. Ça gironde dans une affaire. C'est jamais vrai. C'est jamais vrai. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est trois ans, c'est de la merde. Les gars de TSN, par contre, là, sont forts parce qu'ils ont souvent les scoops sur pas mal de choses, genre les échanges, les blessures pis tout ça. Renault, son scoop, là, c'est que la glace est frette. Non, il n'y a plus de scoop aujourd'hui, man. Il y a plus de scoop parce que... Brian Wilde a sorti un scoop récemment. Ça n'existe plus. Les scoops, souvent, c'est un scoop, c'est quand tu scoopes quelqu'un. Non. C'est plus ça, le scoop. Non, un scoop, c'était dans le temps des journaux. C'est comme, je t'ai scoopé, j'ai sorti la nouvelle avant toi. Mais tout le monde l'aurait sorti anyway. Avec les médias, ça, c'est ça, les scoops. C'est comme, t'as un scoop, tu le sors, deux secondes après, il a été retweeté par 1000 personnes. Ouais, mais c'est ça, je te dis. Parce que non, mais c'est scoop aujourd'hui. Qui a sorti la nouvelle? Les scoops aujourd'hui, c'est j'ai scoopé quelqu'un parce que j'ai sorti la nouvelle avant toi. C'est moi qui ai le scoop, mais dans le fond, tout le monde l'avait, la cette information. C'est juste que moi, je l'ai sorti avant toi. Là, fait que c'est là, moi qui ai le scoop. C'est ça souvent qui se passe. Mettons, toi, t'es en vacances en Allemagne, puis tu vois genre Price sortir d'un hôpital. Moi, tu prends là, la photo de Price. Okay? En Allemagne. Non, mettons, OK? Puis tu prends la photo de Price, puis toi, tu la mets sur ton compte, là. C'est toi qui as le scoop, man. C'est pas un gars que ça fait 35 ans qu'il est... Quand qui... tu parles de l'Allemagne, non, tu parles genre de Paris, mettons, là. Donald Trump. Hashtag Donald Trump. Non, mais admettons, là. Non, mais je veux dire, c'est toi qui a le scoop, là. C'est pas un journaliste qui a 30 ans de métier, là. C'est toi qui croises ce chemin-là. Tu fais comme fuck, j'ai reconnu telle personne. JF, il pousse la tête depuis tantôt. Non, c'est sûrement moi qui m'aborde depuis tantôt. C'est pour ça qu'on a le sens, OK? Hey, wow, malade. Qu'est-ce que tu m'as tout déstabilisé? Dave, quand il était motif, il pousse les tables. Ben oui, les gars. Je voyais mieux en angle. Le podcast est fini, mais il me restait le sujet du match des étoiles à Nashville. Hey! Nouvelle pour Martin. John Scott, Captain. Moi, je suggère à tout le monde de cotiser pour acheter le chandail du match des étoiles de John Scott pour Mark. Ce serait carrément, ce jeu. Ah, je le veux pas, man. Le chandail des étoiles, il est trop laid. Ah, il est pas. Attends, plus, j'ai de quoi, JF, par rapport à ça. Achetez-moi le chandail de John Scott à la place à Chicago, man. Ah, ben là, non. Ça, je serais bien plus content. Fuck off. Hein? As-tu déjà joué à Chicago? Ben oui, Chris. Hey, j'ai la liste des joueurs. Mais hey, John Scott à 3 contre 3, ça va être magique. J'ai la liste des joueurs. Bon, ben, dans l'Atlantique, on a Bergeron, Jagr qui est capitaine, Kamarov, Larkin, O'Reilly, Stamkos, Ekblad, Carson, Subban, Bishop, Luongo. Subban, le seul du Canadien. Puis Jagr, il a chialé, il voulait pas y aller en plus. Puis Crosby, il est pas là. Encore une fois, la division centrale, là. Hey, la division centrale. Ils vont gagner. Ils vont gagner. J'ai un hostie bonheur. Jamie Benn, Matt Duchesne, Patrick Kane, capitaine, Séguin, Tarasenko, Taves, Bufflin, Roman Yossi, Shea Weber, Dominic puis Pekka Rinne. C'est une hostie de team de fou. Ah, j'ai un petit order. Ils vont gagner. Tabarnak, sont boostés, man, au Chris, au stéroïde, hostie. Mais. Ouais, bon, c'est encore. Mais on après ça, mais après ça, encore cette année, on l'écoutera pas plus. Là. Non, Scott à 3 contre 3, ça va être John Scott, capitaine. Non, il va lui donner le puck tout le temps. Un poteau à la glace. Non, mais il va lui donner le puck, man. Ils vont le faire skater. Ils vont le faire scorer. Ils vont essayer de le faire scorer. Ils vont brûler des calories. Ça, le cas de John Scott, c'est la pire preuve que les fans s'en calissent. Puis que le système de votation est complètement ridicule. Le système est de la merde. Non, mais le système est de la merde. Ils ont voté pour lui. C'est un vote. C'est qui a voté pour lui? Ouais, mais c'est une joke là, qu'ils ont faite. Les fans? Mais oui. Mais oui, là, c'est sûr. Qu'est-ce que ça va être? J'aurais invité Yemlin. J'aurais voté pour Brashear. Moi, c'était là. Il est sympathique, John Scott. Ouais, mais il n'y a pas d'affaire. C'est pas un concours de sympathie. La semaine avant. C'est un concours de talent. Quand t'en as pas, tu joues pas. Non, c'est un concours de merde, le manger des étoiles. Mais non, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde, mais t'es quand même supposé avoir tes meilleurs joueurs. Ça s'appelle quand même le match des étoiles. C'est le match des étoiles. Puis John Scott, c'est pas le match du vote du public. Je serais pas personne contre John Scott. C'est pas une télé-réalité, ce calice. C'est un fucking télé-réalité. Personne va bitcher contre John Scott. C'est à cause du maître du lof, esti. Ouais. Le maître du lof. Marc Boilard, esti. Il va avoir des rapprochements. C'est Marc Boilard. C'est-tu Marc Boilard, le maître du lof? Je sais pas. Il va avoir des rapprochements. D'après moi, ouais. Marc Boilard, c'est le gars chaud qui fait les affaires de rencontre, mais qui a jamais de blonde. Il va avoir des rapprochements. Il va avoir des rapprochements avec John Scott et Daniel Seddon. Ah, oh! T'es-tu malade, man? Si c'est Dan, man, il va avoir ben trop mal à la pistache. Hein? Si j'aime que tu dises qu'il y a mal à la pistache, je trouve ça drôle. Fait qu'avez-vous de quoi en terminant sur le match d'étoiles ou on s'en calisse? C'est quoi les deux autres clubs? Ah, ben là, on peut les nommer toutes. Métropolitaine, Backstrom, Giroux, Malkin, Ovechkin. Puis Glenn Métropolite. Sat, Tavares, Falk, Latin, McDonough, Oldby, Schneider. Puis Pacifique, on a Gaudreau, Hall, Pavelski, Perry, John Scott qui est capitaine, Daniel Seddon, Brent Burns, Doughty, Giordano, Gibson, puis Quick. Il y a Jagger qui a dit qu'il allait pas y aller parce qu'il était rendu trop vieux puis trop lent, mais man, c'est lui qui domine la ligue. Il domine pas la ligue, mais il est en force. Il va donner un bon show. Moi, Jagger, j'ai toujours trippé Jagger. Il est solide en tabarnak. Glendo represent. C'est un vrai Glendo, man. Jagger, je le détestais quand j'étais jeune. C'est un vrai colis. Puis honnêtement, je pense que cheval, man. Je pense que je l'aime mieux. J'aime plus Jagger. Ben, en fait, je l'aimais pas. Toi, c'est la molette. T'aimais pas le petit salut militaire. Là. J'aimais pas son salut militaire. Il est rendu avec ses cheveux. Ah, c'était écœurant. Il enlevait son gant. C'était fif. Hey, ouais, non, mais Dave. Ça avait l'air de puer. Ouais, mais... Ah, ouais, c'est sûr. Ah, oh, il sentait des doigts, mais ouais, il sentait la vieille nomme des sérieusement, doigts. Sérieusement, là, check un tribute là, de ses goals. Je vais le gonfler de Glendo. Check, genre, mettons, là. Non, mais check une compilation des buts de Jagger dans le temps là, que la NHL se jouait dans les années 90, super slow, là. Puis ce gars-là, là, il score des buts slow, comme il se fait aujourd'hui. Là. Il était slow comme il fait, la ligue, il fait trois coups de patin, Chris, il est rendu au bord de la glace. Tu comprends pas comment il passe. Non, c'est un cheval. Dave, sérieusement, là, il se propulse. Dans le temps là, qu'il jouait là, à Pittsburgh, là, il shiftait tout le monde là, dans la zone d'attaque. Puis pas même, pas top parce corner, qu'il était rapide, man. Parce qu'il était genre. Il, non, non, il était un rapide. Patineur incroyable. Il est très fort. Ah, mais honnêtement, je l'aimais pas avant. Je l'aime ce gars-là. Honnêtement, j'aime Jagger depuis qu'il a fait son retour dans la Ligue nationale. Check ses goals. Check ses goals. Je l'aime pas parce que c'est un vieux corps. Il fait capoter, man. Il fait 3-4 coups de patin, il est rendu dans la zone. Ben, il fait 2-3. Ah, mais tu l'as-tu vu se trainer, ce gars-là? Il fait rien. Il fait jamais rien de trop, lui. Il va jouer jusqu'à 43 ans. S'il y a un joueur qui peut jouer jusqu'à 50 ans, c'est... Hey, sérieusement, hey, Dave. Dis-moi pas ça de même, 43 ans. Mais Dave, il a 43. Il va jouer jusqu'à 50 ans. C'est pour ça que je l'aime. C'est parce que c'est un vieux calice qui joue. Quand tu le checkes... Ouais, mais check ses vieux vidéos dans le temps qu'il était avec Pittsburgh. Il est man. Le fif militaire. Il faisait même pas ça avec Pittsburgh. C'était à New York. Quand il est revenu, il le faisait encore. C'est quand il était à New York qu'il a fait ça. Il l'a fait à Pittsburgh. Mais Chris, il chiffre tout le monde. Les defs, ils reculent devant lui, là, il est fait reculer. Il chiffre pas, il les mystifie. Man. Ils sont pas capables d'y arriver. Mon gars, hey, man, il va dépasser Wayne Gretzky dans certaines stats. Là. Ouais, c'est un record. Oui, puis Mario Lemieux, il a passé en avant de Mario Lemieux, man. Mario Lemieux, on s'en calisse. C'est quoi le record? Mario Lemieux, on s'en calisse. C'est un hostie déconnecté, man. Je l'ai le mieux, moi. Moi, j'aime mieux le mieux que Gretzky. Moi aussi. Non. Moi, si tu me donnes un joueur dans la vie que j'aime, complètement déconnecté. Ok, mon gars, tu me dis que le mieux, on s'en calisse. Moi, je l'aime pas, le mieux. Je trouve que c'est un trou de cul. Ok, ben, mais je te parle de hockey player, hockey, man. Là. Moi, je te parle de personnalité. On parle d'hockey, man. Hey, Gretzky, c'est un asti de trou de cul aussi. Là, pis, c'est pas parce qu'il se prend en poteau pour des catalogues Sears qu'il est trou de cul. Il se prend en poteau. Tout malette, là, c'est genre le culte de la personnalité. C'est fini, là. Tabarnak. Hey, moi, c'est pas le gars que je check en dehors de la patinoire. Moi, je check du hockey. Je check pas sa vie. Quand tu te prends en poteau, t'es dit pour changer de podcast. On finit ça, le podcast. Il est cocky, le mieux. Ben quoi, bien, on s'en calisse. C'est quoi ton. Il est cocky. Qu'est-ce que t'as contre les cockies, toi? Man. Ben, je trouve qu'ils sont pas fins. Je pense qu'on va finir le podcast là-dessus. Le mieux, c'est un pas fin. Tabarnak, elle finit ça là, man. Hey, moi, là, je m'excuse, mais Gretzky qui fait. Tu check dans ses highlights de ses goals. Comment, Gretzky? Il était bon, mais Chris. Non, il était plus que bon, man. Il était excellent. Il était cœur, Gretzky. Oui, mais moi, je préfère un joueur comme Lemieux. Gretzky était protégé, man. S'il y avait une jupe, mon gars, fallait pas que tu y touches. Mais si Lemieux aurait été protégé, il aurait peut-être une carrière aussi. Lemieux, il était fait en verre. T'es protégé, tabarnak. Si Lemieux, Gretzky, il était fait en verre. Ouais, mais si quelqu'un le touchait, man, t'avais un astuce de gueule. Ouais, mais t'as peu. Faut-tu dire son affaire, là? Mario Lemieux, là. quand il jouait à Ville-et-Mort, puis il jouait dans les voisins de Laval, là, à Frémont. Il s'assoyait en deux périodes. Il s'assoyait en deux périodes. Dans le vestiaire, là. Puis je pense qu'il avait déjà mal au dos dans ce temps-là, pour vrai, là. Ah ouais. Il avait déjà comme des douleurs au dos. Là. Ah, il m'en son a parlé l'autre fois, puis il avait mal au dos. Non, mais j'ai parlé avec son tireur de joint. Non, j'ai parlé avec le gars qui a posé la vaisselle chez eux. Il avait mal au glen d'eau aussi. Un excellent jeu de mots. On va finir le podcast là-dessus sur ce jeu de mots de glen d'eau. Et si moi, ça part 2016. Là, il n'y a personne qui va bâcher, man, comme Mario Lemieux. Mario, le beau Mario. OK, c'est interdit de bâcher contre Lemieux puis John Scott. Non, fuck John Scott, mais le mieux, il y a personne. Hey, fuck John Scott. Fuck. Mais il y a juste le mieux, il y a juste Mallette qui l'aime pas, je pense. Ouais. Non, j'ai jamais aimé. J'aime mieux, mais le mieux. Le seul gars qui a été capable de scorer des buts, man. La journée qui a kické le bâton de Markov, puis Markov, il l'a envoyé chiant en russe, je l'ai. Markov, tu peux pas envoyer chien en russe, par même pas en anglais. On ressort les images de ça. À quelle année est-ce que tu as dit? J'ai un peu bouillé. Markov était reclus en ce moment. C'est parce que dans le fond, ce qui est arrivé, ça fait longtemps. Ça devait être dans le temps de NHL 94. Ouais, c'est ça. C'était en fin de période. Markov échappe son bâton. Il veut le ramasser. Puis le mieux, il kick son bâton, genre comme un esti de tapette. Mais tout ce qu'il a fait dans sa vie, le mieux, ça se résume à ça. Parce qu'il a kické le bâton. Ça se résume à ça de Markov. Non, mais tous les buts, toutes les stats, on s'en calisse. Excuse-moi, mais un gars de même fifi, je sais pas, j'aime pas ça. Chris, le mieux, il aurait fait. Le mieux, il broyait aux arbitres. Gretzky, il aurait fait un triple axel par-dessus le bâton. Je l'ai jamais fait. Puis tout le Gretzky faisait des DVD. Il aurait pas fallu qu'il manque son triple en vert parce qu'il broyait pas. Ça serait cassé parce qu'il était en vert. Il broyait tout aux arbitres. Tabarnak, Gretzky, man, c'est le plus gros whiner. C'est juste que le mieux, il a commencé mal sa carrière. Ouais, voyons donc. Mêlé comme un hostie de jeu de cartes. Il a commencé à demander plein de cash, puis tout le monde lui a dit fuck you. Ah, t'es pas trop plugué. Moi, t'es obligé de vous fermer vos yeux parce qu'on va arrêter le podcast là-dessus. On parle beaucoup trop de Lemieux. Moi, j'ai toute la merde, hostie, man. Le mieux, là, is the shit. Mais là, vous voyez, il faut qu'on arrête parce qu'on a un autre show à commencer tout de suite après, qui est la jasette épisode 40. Moi, là, je te dis, là, check une vidéo, là, des buts, là, de Gretzky, puis check une vidéo des buts de Lemieux, là. Puis les buts de Lemieux, là, tu vas avoir les deux yeux comme des deux piastres, tout illuminé, tu vois. Oh, hostie, là, ça, c'est genre, faut que j'aille prendre une douche. J'inviterais. Je me sens sale, genre, j'ai été violé. Alors, j'invite Martin et Jeff à aller parler de Lemieux et de Gretzky devant le frigidaire pour un refill de bière. Alors que nous, ça fait le tour du podcast pour ce soir. Alors, déjà! Déjà! Hey, 2016. Mais je l'ai juste fait une affaire. Dans le temps, c'est bien. Dans le temps, là. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Suivez-nous sur Twitter, Facebook, rzoweb.com. Bonne chance à Ottawa. Bonne chance à Ottawa. Ottawa, ah ouais. Hoffman, Carlson, Johnny Sito, comme toutes vos moitiés de fans des Habs, Zibanejad, Johnny Sito. Fait qu'on se revoit dans deux semaines pour l'épisode 7 de la soirée du podcast. À la prochaine, tout le monde. Zibanejad. Mama Kid.